Understanding the kingdom of heaven. Es geht heute wieder um das Thema, das Königreich Gottes verstehen. On va continuer avec notre message où il s'agit de comprendre le royaume des cieux. Praise the Lord. Alléluia. We should not see Christ's kingdom as force. Wir sollen das Königreich von Christus nicht als Zwang sehen. On ne doit pas voir le royaume des cieux comme une obligation. Amen. Amen. It should be a privilege for God to choose us. Es sollte ein Privileg sein für uns, dass Gott uns auserwählt hat. Mais on doit plutôt le voir comme un privilège que notre Seigneur nous a choisi. You know Mary. Maria beispielsweise. Marie par exemple. Amen. Amen. Also Moses. Auch Mose. Tout comme Moïse. Then Peter, Paul, you can see them. Even Abraham. Auch Abraham, Petrus, Paulus. Mais aussi Pierre, Paul ou Abraham. Then you and me also. Und du und ich. Tout comme toi et moi aujourd'hui. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Don't prefer to be Hagar, to be Ishmael. Don't prefer to be Ishmael. Sei nicht lieber Ismael oder Hagar. Faut essayer d'être comme les noms qu'on vient de citer et pas être comme Ismaël ou sa mère. Love who you are, the Christ in you. Liebe wer du bist, der Christus in dir. Donc tu dois aimer ton identité et ton identité c'est Jésus-Christ en toi. You know, a lot of us we prefer to be Hagar, to be Ishmael. Einige von uns or to be Potiphar. Lieber Hagar oder Remember Ishmael. Potiphar. Oder Potiphar. Certains d'entre nous préfèrent peut-être préfèrent être Potiphar ou Ismaël ou Hagar, c'est quoi en français? Hagar, ouais. Amen. Amen. You know, if you are one of the chosen, sometimes you don't even need know that until you start growing in the Lord. And how things are working and even more difficult. That is how you are to know that you are even the chosen. Amen. That without the Spirit, you cannot make it. Ohne den Geist kannst du, wirst du es nicht schaffen. Und das sollte dir bewusst sein, als jemand, der auserwählt ist. Quand tu es élu, quand tu es choisi par Dieu, tu dois être conscient que les choses vont devenir de plus en plus difficiles et que tu seras plus capable à faire quoi que ce soit sans l'Esprit, sans Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. You know, if you are one of the chosen, sometimes you don't even know that until it is time for you, you know, for His will to come to pass. How difficult for you know what Him, you know, because once you come to Him, you now desire what He desires for you. Wenn du zu Jesus kommst, wünschst du dir das, was sich für dich wünscht. Dès que tu viens vers Jésus-Christ, tu désires ce qu'il désire pour toi. And what He desires for you, it takes Him to have it. Was für dich will, braucht ihn, um es zu haben. Et son désir pour toi, afin de l'accomplir, afin de l'obtenir, tu as besoin de Jésus-Christ lui-même pour l'avoir. Amen. Amen. The length of time should not be a burden to you at all. Die, or for you at all. Die Länge der Zeit sollte für dich keine Last sein. Le temps ne doit pas être un souci pour toi. If you really believe that you are one of the chosen. Wenn du wirklich glaubst, dass du einer der Auserwählten bist. Si tu crois réellement que t'es choisi par Dieu. Amen. Amen. You know, if you look at all of them, all the people that walk with the Lord. Wenn du dir die Leute that have walked with Him. Die mit dem Herrn gegangen sind. Si tu vois la vie de toute personne dans la Bible qui a fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. You know, we know Paul, Abraham, Paulus, even Abraham, myself, even you. Amen. It takes only Him. Es braucht ihn. Tu as besoin de Jésus-Christ lui-même. Si tu vois la vie d'Abraham, de Paul, de Moïse, même toi, tout ce que tu fais en tant que nouvelle créature, tu as besoin de Jésus-Christ. Please be satisfied with the Christ you have. Sei zufrieden mit Christus, den du hast. Sois satisfait avec le Christ que tu as. Don't desire to be somebody else. Wünsche dir nicht jemand anderes zu sein. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Faut même pas avoir le. Comment on dit? de faut même pas vouloir être quelqu'un d'autre. It's evil, they have got children. Often it's can I got to say. Même si ce sont des enfants de Dieu. Are you getting it? Amen. Evil, they are not because of the outside, because of the flesh. You want to desire what they desire. You want to be like them. Donc même si ce sont les enfants de Dieu, tu ne dois pas désirer d'être à leur place ou avoir leur vie à cause des choses charnelles, à cause de l'extérieur. If I quickly use Mary for example, you know, if you are in the flesh, you will never want to be Mary. If you really understand what Mary went through. Würdest du niemals Maria sein wollen, wenn du wirklich verstehst, was Maria durchgemacht hat. Je vais vous donner un exemple. Si vous comprenez seulement, si vous comprenez vraiment la vie de Marie, aucune personne ici voudrait prendre la place de Marie. You will not want to be Mary if you are in the flesh, because of the suffering. She really suffered. You know, to see your child be beaten, how you were treated, rejected. You will not even want to be this woman. Und verweigert wird, und gekreuzigt wird, du würdest niemals diese Frau sein wollen. Parce que si tu es pas en esprit, charnellement, aucune mère va accepter de voir son fils souffrir à tel point qu'il a été crucifié, qu'il a été rejeté par les gens il est venu pour les sauver. You know, when any time the Lord brings revelation, it takes the spirit to understand it. Wenn der Herr offenbart, you have to be in the spirit to even get it. Ja. Musst du im Geist sein, um das zu verstehen. Ouais. Parce qu'à chaque fois que le bon Dieu te révèle quelque chose, tu dois être en l'esprit afin de le comprendre. He can bring revelation to you, and you know, reveal things to you, and you are now understanding it in the flesh, and not in the spirit. Denn er kann dir Offenbarung bringen, und du verstehst diese Offenbarung fleischlich und nicht geistlich. Parce que le Dieu peut te révéler quelque chose, mais toi tu vas la comprendre charnellement. Amen. It is a privilege for Mary to be a mother of Jesus. Es war ein Privileg, dass die Mutter von Jesus war. Parce qu'en esprit, c'est un privilège. C'est un privilège pour Marie d'être la mère de Dieu, la mère de Jésus-Christ. This woman was highly favored. Diese Frau war wirklich begnadigt. Cette femme était vraiment bénie entre toutes les femmes. But that does not mean you worship her. Das heißt, dass man sie deswegen anbetet. Mais ça ne veut pas dire que tu dois la louer, l'adorer. We only worship the only true God. Wir dienen nur dem wahrhaftigen Gott. Parce qu'on glorifie seulement le vrai Dieu. Praise the Lord. Alléluia. You know, my mother's name is Mary. My mother. Meine eigene falschen Mutter ist beispielsweise Maria. Par exemple, le nom de ma mère est Marie. You know, years ago, my sister told me that my mother's name, they change it to Esther. From Mary to Esther. Then I said, ask them why. Und vor ein paar Jahren haben die mir erzählt, dass sie den Namen meiner Mutter ändern wollen von Maria auf Esther, dass sie lieber Esther heißen möchte. Et il y a quelques années, une de mes sœurs m'a dit qu'ils veulent changer le nom de ma mère, de Marie, à Esther. You know, et because, j'ai demandé pourquoi. You know, because my sister, my immediate junior sister, is a pastor. You know, all these pastors. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And then I asked her why. She said, my junior sister, she told me, she said, because of Mary's suffering is too much. That she does not want my mother to suffer that way. Und ich habe dann halt gefragt, wieso will meine Mutter ihren Namen ändern? Und meine Schwester, die halt eine vermeintliche Pastorin ist, hat dann gesagt, ja, wir wollen den Namen ändern, weil Maria so viel Leid erlitten hat. Und wir wollen nicht, dass meine Mutter halt auch so, unsere Mutter auch so heißt und dann halt auch so viel Leid erfahren muss. Deswegen wollen sie lieber Esther nennen einfach. Et la raison pour laquelle ils ont voulu changer le nom de ma mère en Esther, c'est que parce que une de ma petite sœur qui vient directement après moi, elle est aussi une pasteur, elle a dit que elle veut pas que ma mère subissent la même souffrance que Marie l'a fait. Donc, et avec son nom, ça peut l'associer à ça. Praise the Lord. Alléluia. Amen. You know, when she said it, I understood it a little bit. I just said, okay. Then, that was years ago. And, you know, the Lord revealed something for her. She was able to see how Mary suffered. Amen. It's a revelation to see how Mary suffered. Amen. Und meine Schwester war in der Lage zu erkennen, wie viel Maria gelitten hat. Und allein das ist auch eine Offenbarung, das zu sehen, wie viel Leid hinter ihrem Leben stand. Et des années, quand je l'ai compris, le Saint-Esprit m'a révélé que c'était une révélation pour ma sœur de comprendre à quel point Maria a souffert. But she was unable to see the grace. Aber sie war nicht in der Lage, die Gnade zu sehen. Elle était capable de voir la souffrance de Marie, mais elle n'a pas pu voir la grâce qu'elle a eue aussi. Amen. Amen. You know, for Mary to be the mother of Jesus, it's a privilege. Dass Maria die Mutter von Jesus war ein Privileg. Parce que le fait que Marie était la mère de Jésus-Christ, c'était un privilège. Amen. Amen. If you are in the spirit, you can. It is only when you are in the spirit you can see it as a privilege. Aber nur wenn du im Geist if you are in the flesh, you will not want your mother to live through it. Wirst du das als Privileg sehen? Wenn du im Fleisch bist, wirst du niemals wollen, dass niemand, geschweige denn deine Mutter, so ein Leben führen muss. Ouais. Mais ce privilège, ce cas, ce fait, tu peux seulement le voir si tu es dans l'esprit. Mais si tu es dans la chair, tu vas seulement te dire que je peux pas accepter que ma mère souffre à tel point. You know, your name is who you are. Ton nom est where you bist. Ton nom est ton entité. And that is true. That is what my sister believes, and it is true. Your name matters a lot. Und das ist, was meine Schwester geglaubt hat, und das stimmt auch, weil der Name bedeutet viel. Et c'est ça que ma sœur a cru, et c'est vrai, parce que ton nom est vraiment très important. And that's why, you know, it's everywhere in the Bible. If, you know, God, Jesus changed Simon to Peter. Are you getting it? You know, Saul to Paul. You can see the change of name. You know, he have a special name for us. He have a general name for us. General name is Jesus Christ. But there is a special name. Den Jungen andere Namen gegeben hat, beispielsweise, er hat Simon dann Petrus genannt oder auch Saulus hat er Paulus umgenannt. Er hat einen besonderen Namen für uns alle und dieser generelle Name, den wir alle tragen, ist der Name von Jesus Christus. Aber wir haben auch nochmal einen individuellen Namen, den der Herr uns gibt. Et on peut voir que les noms sont vraiment très importants parce que dans la Jésus-Christ, il a changé le nom de ses apôtres. Simon est devenu Pierre, par exemple, et Saül est devenu Paul. Tout comme il a un nom pour nous tous, pour tous ses enfants, qui est son propre nom, qui est Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. You know, like Mercy, for example, years ago, the Lord told me that she is the mother of his beauty. That is her name. The mother of my beauty. You know, you have not even, I don't even know what he called me. Praise the Lord. Alleluia. But, you know, it's only her, this, I don't know why, amen? Amen. But he have a name for you. Amen. Und beispielsweise vor vielen Jahren hat er mir offenbart, dass er für meine fleischliche Tochter einen Namen hat, die Mutter seiner Schönheit. Und ich habe nicht verstanden, weshalb er sie so genannt hat, weil mir hat er noch nicht so einen persönlichen Namen gegeben, aber das hat er mit meiner biologischen Tochter gemacht. Und das ist ein Beispiel dafür, dass er einen generellen Namen für uns alle hat, aber auch einen individuellen Namen. Et tout comme il y a des années, Dieu m'a révélé le nom de sa fille, mais de ma fille charnelle, qui est la mère de ma beauté. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a pas encore révélé mon nom individuel, mais pour Mercy, il lui a donné son nom. Mais ça nous montre qu'il a un nom individuel pour chacun d'entre nous. With that of my mother, my sister was seeing the suffering and not the privilege. Und bei dem Beispiel meiner Schwester, was seeing the flesh and not the spirit. Hat meine Schwester das Leid gesehen und nicht das Privileg. Sie hat Diese Last gesehen, nicht das Privileg. Et encore une fois avec l'exemple de ma mère, ma sœur, elle a vu seulement la souffrance, mais pas le privilège, pas la grâce de Jésus, pas la grâce de Dieu. Praise the Lord. Alleluia. And also, if you look at Moses, also. Wenn du dir Mose anschaust. Si tu vois aussi Moïse, par exemple. Amen. Amen. In Hebrew. Dans Hébreu. Hebrew 11. Amen. How he left the other side. Amen. You know how. You know, if you look at Moses, if you look at Abraham, how he left the father's city, the father country, and going to nowhere. Where are you going? I don't even know. Wenn wir uns das Leben von Mose anschauen oder Abraham, wie sie alles hinter sich gelassen haben, ihr bekanntes Leben, ihre bekannte Ortschaft verlassen haben, um dorthin zu gehen, wo der Herr sie hingeschickt hat. Und sie wussten noch nicht mal, wohin sie gehen, aber sie wussten, wer sie geschickt hat. Ou alors si on voit aussi Moïse et Abraham par exemple, ils ont quitté les endroits qu'ils connaissaient, la terre de leur père, pour aller à un endroit qu'ils connaissaient même pas, mais ils ont fait confiance à Jésus-Christ et ils sont laissés guider par Dieu par eux. You know that of Moses, that all of them, you can see that if you are in the flesh, you will see it as suffering. Wenn du im Fleisch bist, würdest du das Leben von Mose als ein qualvolles Leben sehen. I hope you still remember. He preferred to suffer with. He left the palace to suffer with God's children. Are you getting it? You will see if you are in the flesh. You will see it as a problem, as suffering, and not see it as a privilege. You have to be in the spirit to see it as a privilege. Und wenn wir uns das Leben von Mose anschauen, in Hebräer 11 lesen wir, dass er den Palast verlassen hat, um mit den Kindern Gottes zu leiden, dass ihm das lieber war. Und im Fleisch würden wir das nicht bevorzugen, diesen Weg. Wir würden ihn eher bemitleiden. Aber in Christus wissen wir, das ist ein Privileg, dass man halt einfach dem Herrn gehorcht, unabhängig von allem. Enfin, chardalement, si on voit l'exemple de Moïse, par exemple, personne d'entre nous va préférer souffrir avec les enfants d'Israël. Ils vont plutôt vouloir avoir une vie agréable dans le palais. Mais si tu vois ça chardalement, tu vas voir ça comme une vie plein de souffrances. Mais quand tu vois ça dans l'esprit, tu sais que tu es choisi de Dieu. Tu es un élu de Dieu et c'est un privilège. C'est un choix qu'on prend. Et qui est un privilège. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Hebrew 11. Please go there, please. Hébreu 11. Because of some of us that I don't know, if all of us know here. Amen. From verse 24. Hébreu 11, 24. It says by faith. Hébreu 11, 24. When he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are in the flesh, you will see this as suffering. Wenn du im Fleisch bist, wirst du diese Entscheidung als Leid sehen. Si tu es dans la chair, tu vas voir cette décision comme une décision pour la souffrance. Verse 25. It says, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. You know, if you are in the flesh, you will see your condition as suffering. Wenn du im Fleisch bist, wirst du deine Situation als your situation ansehen. What you are going through. Parce que si nothing tu es to hope for. Si tu es dans la chair, si tu es dans la chair, tu vas voir ta situation comme une situation où tu es condamné à souffrir. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 26, he said, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. You know, you have to be in the spirit to be in this verse 26. Muss im Geist sein. To be in the spirit. Are you getting it? Vers 26 zu Pour vivre le verset 26, tu dois être en esprit. Are you getting it? You have to be in the spirit to see that it's a privilege. If even nothing is working for you, it's a privilege to be a son of God. Es ist ein Privileg, ein Sohn Gottes zu sein, auch wenn nichts funktioniert. Même si rien ne fonctionne dans ta vie, tu as, c'est un privilège de vivre, d'être un enfant de Dieu. If you assume that nothing is working, auch wenn nichts funktioniert. Même si rien ne fonctionne. Because with your five senses, you can see nothing. Auch wenn es so aussieht, als ob nichts funktioniert, weil mit deinen fünf Sinnen siehst du nichts. Même s'il paraît que rien ne fonctionne, parce qu'avec enfin, tes cinq sens charnels, tu vois pas, tu seras pas capable à le voir, à le vivre. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You know, everybody want to have the blessing of Abraham. Jeder will den Segen von Abraham haben. Tout le monde veut avoir la bénédiction d'Abraham. But no one want to believe like him. Aber niemand will so glauben wie er. Et personne veut croire comme lui. Praise the Lord. Alleluia. No one want to suffer like him. Aber you know, so believing Christ is, according to the words he's saying, with your five senses, he's suffering. Weil nach den, how you suffer in Christ's world is believing him. Ist dieser bedingungslose Glauben leid. Mais personne veut croire comme Abraham. Dans le monde charnel, croire en Jésus-Christ veut dire souffrance. Si tu vois seulement les difficultés que tu as dans la vie, si tu crois en Jésus-Christ. That's what the Bible calls it labor. You labor to believe him. You work hard to believe him. Arbeitest hart, um ihn zu glauben. C'est pour ça la Bible dit que tu dois travailler pour croire en Jésus-Christ. You fight the good fight of faith. The good fight of faith is to believe in, even when it seems nothing is working. It's a big fight. Le combat de la foi est de croire en Jésus-Christ. Le bon combat de la foi est de croire en Jésus-Christ, même si les choses ne marchent pas physiquement. Amen. Amen. Ouais. Be grateful that you are qualified to be a son. Danke, dass du qualifiziert bist, dein Sohn zu sein. Tu dois être vraiment reconnaissant d'avoir d'être élu à être son fils. If that is all you have in this world, it's wenn enough. Alles, it's more than enough. Mehr and nothing ever work. It's more than enough. Und nichts anderes funktioniert, ist das mehr als genug. Et si c'est tout ce que tu as dans ce monde, c'est plus que suffisant, c'est vraiment suffisant parce que tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre, c'est seulement lui que t'as, dont il a besoin. You know, Mary should be grateful that he was chosen. Maria she was chosen by the Lord to be the mother. Are you getting it? Mm. The mother of Jesus. Von Jesus sein, but not the mother of Christ. Remember that. Et Marie doit être reconnaissante, elle doit remercier l'Éternel parce qu'elle a eu la possibilité, l'opportunité d'être la mère de Jésus-Christ. Là, non, la mère de Jésus, mais pas la mère du Christ. The mother of the body, but not the mother of the spirit. Sie war die Mutter vom Körper, aber nicht die Mutter vom Geist. Elle était la mère du corps, mais pas la mère de l'esprit. Amen. Amen. Be grateful that you are qualified to be chosen by Christ. Amen. Sei dankbar, dass du qualifiziert worden bist, auserwählt worden bist von Jesus Christus. Sois reconnaissant que tu as été élu par Jésus-Christ. Don't be ungrateful. Sei nicht undankbar. Ne sois pas ingrat. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, if even you see the suffering, you are suffering. What he suffered is more than what. You cannot even compare your suffering to what he suffered for you. Du kannst sein Leid nicht mit deinem Leid vergleichen, weil es so viel mehr größer ist. Parce que tu ne peux pas comparer ta souffrance que tu as aujourd'hui à la souffrance que Jésus-Christ a eue. Are you getting it? The whole God left heaven and came here and because you know you just see everything. Amen. You can see that this man Jesus, he really suffered. Dieser Mann Jesus hat wirklich gelitten für uns. Ne? Gott ist Mensch geworden, ist auf diese Erde gekommen, hat sich gedemütigt, erniedrigt und ist für uns hier gestorben. Parce que le fait qu'un Dieu a quitté son royaume, est venu sur terre et a souffert, a été crucifié, tout ça pour toi, afin que tu sois sauvé. Tu ne peux pas comparer ça à ce que tu vis aujourd'hui. But you. Ah, but mais toi. I don't know the suffering that you are even facing. Je connais pas les souffrances que tu. That you are even seeing it face. Bigger than what Jesus suffered. Dass du sogar größer siehst als das, was Jesus durchgemacht hat. Et à quel point tu souffres que tu peux croire que ta souffrance est plus grande que celle du Christ? Amen. Jesus did not reject his father. So you will not reject Jesus. Amen. Jesus hat seinen Vater aber nicht verweigert. Du wirst Jesus nicht verweigern. Amen. Mais dans toute cette souffrance, Jésus-Christ n'a jamais rejeté son père. Tout comme toi, tu dois jamais rejeter ton père. Praise the Lord. Amen. Amen. It takes Christ to be in this ministry. Es braucht Christus, um in dieser Gemeinde zu sein. T'as besoin de Jésus-Christ pour être dans ce ministère. Amen. Amen. It also takes the same Christ to bless this ministry. T'as aussi besoin du même Christ pour bénir ce ministère. Until you are in the Spirit, you can never be there for this ministry. Erst wenn wir im Geist sind, können wir für diese Gemeinde da sein. Seulement quand tu es en esprit, là tu es capable de bénir ce ministère. Until you are in the Spirit, you can never bless this ministry. Erst wenn du im Geist bist, kannst du diese Gemeinde segnen. Seulement quand tu es en esprit que tu peux bénir ce ministère. It means if you can bless this ministry, it should help you to know that you are in the Spirit. Si diese Gemeinde segnen kann, soll dir das helfen, dass du im Geist bist, zu wissen, dass du im Geist bist. Parce que si tu es capable de bénir ce ministère, ce fait-là peut t'aider, doit t'aider à comprendre que tu marches déjà en esprit. I'm not talking about religious churches. Je spreche nicht über religiöse Gemeinden. Je parle pas des assemblées religieuses. I mean a living church. Une lebendige Gemeinde. Mais je parle d'église vivante. Until you are in the Spirit, you can never be there for a living church. To bless a living church, it's not possible. Erst wenn du im Geist bist, kannst du eine lebendige Gemeinde besegnen. Seulement quand tu es en esprit, tu es capable de bénir une église vivante. Praise the Lord. Alleluia. Because you know the message in the religious churches is based on fear. If you don't give, God will not bless you. God will not be there for you. God will not answer your prayer. And people just come out. They want God. You know, it's like bribing. I give so that he give. You understand me? But here is you are already blessed. Amen. Are you getting it? Amen. You don't give to be blessed. You give because you have been blessed. Amen. And can you see the difference? That until, you know, the system of this world, the world, you can only understand fear. I don't know if somebody is getting it. Die Botschaft deiner religiösen Gemeinde basiert auf Angst und auf Hoffnung. Sie basiert darauf, dass man gibt, damit man von dem Herrn irgendwann dann hoffentlich empfängt. Und es ist, als ob man den Herrn sozusagen besticht, damit er einem halt dann das zurückgibt, was man ihm gegeben hat. Aber in einer lebendigen Gemeinde gibst du, weil du schon empfangen hast. Und das ist geistlich. Und das kannst du auch nur, wenn du im Geist bist. Amen. Dans une église vivante, tu bénis l'église parce que Dieu t'a déjà béni. Mais dans le monde, dans les églises religieuses, tu donnes parce que tu as peur de la punition de Dieu. Ou alors tu as peur de ne pas être béni par Dieu. Donc c'est l'inverse, c'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit afin d'être capable de bénir une église vivante. You know, in religious churches, you know, you bless the house of God to be healed. You bless the house of God to prosper. You bless the house of God to have husband, to have wife. They bless the house of God for it. They have different money. That no, those that are looking for this, those that are looking for this. You know, no, we blessed because we already have all. Amen. Und that's why I take the Spirit to see be there for Christ. Amen. Ja, in einer religiösen Gemeinde segnet man das Haus Gottes wegen seinen Bedürfnissen. Also das, weil man zum Beispiel heiraten will, weil man Kinder will, weil man ein Haus will, weil man keine Ahnung, Erfolg, einen Job haben will. Deswegen segnet man das Haus Gottes, wenn man Dinge haben will. Aber im Königreich von Jesus Christus ist das nicht so. Encore une fois, dans les églises religieuses, tu bénis l'église afin d'avoir une bonne santé, afin d'avoir un mari, afin de recevoir un bon poste du travail ou quoi que ce soit. Mais dans une église vivante, c'est le contraire. Tu bénis parce que tu as déjà tout reçu, parce que tu as déjà tout en Jésus-Christ. Et pour ça, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te révéler ce fait. Praise the Lord. Hallelujah. You know, until you are in the Spirit, you cannot bless a living church. You cannot bless this ministry. And that is one of the reasons, one of the ways you are to even know that you are in the Spirit. Es wenn du im Geist bist, kannst du die Gemeinde segnen. Das ist einer der Wege, wie du weißt, dass du wirklich für Christus da bist. Mm. C'est pour ça que quand tu bénis une église vivante, c'est là que tu peux comprendre que tu marches déjà en esprit, que tu te laisses guider par les ténèbres, parce que tu fais ça pas pour être récompensé. Parce que tu le fais parce que tu as déjà tout obtenu par le Christ. Remember, there's nothing to even admire here. There's nothing. Look at the building. Look at everywhere. This is not Buckingham Palace. What do you call it? Buckingham. These are all kind of palace. Amen. But it's more than palace. The Christ is more than palace. Amen. Encore une fois, parce que si vous regardez notre église ici, c'est pas un palais, c'est pas le palais où la reine d'Angleterre vit ou quoi que ce soit. Mais cet endroit est quand même plus précieux que chaque palais de ce monde, parce que cet endroit ici est surnaturel. Amen. Amen. There's nothing to admire here. Il n'y a rien que tu peux admirer. Amen. You know, if you are looking for fault, you will before me. If you even come today, you find fault here. Nous n'a fehlen so so viel finden. Parce que si tu cherches, fault is everywhere. And that's why it takes Christ to be here. Amen. Deswegen braucht es Christus, hier zu sein. Si tu cherches des fautes ou des défauts, tu vas en trouver plein ici. Et encore une fois, c'est pour cela que tu as besoin de Jésus-Christ, du Saint-Esprit lui-même pour être ici. Praise the Lord. You know, here is just Christ. Here is einfach nur Christus. Parce qu'ici, il y a seulement Jésus-Christ. Das ist alles. Et c'est tout ce que tu vas trouver ici. The Bible said there was no beauty in here. Bible sagt, in Jesus gab es nothing to admire. Go to Isaiah 53. Wofür man ihn bewundern könnte. La Bible dit que Jésus-Christ n'était pas beau à voir. On va... On va voir Esaïe 52, verset 1 et 2. 53, pardon. Esaïe 53. Praise the Lord. Amen. So that we can go forward. Amen. He said, who have believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? Verset 2. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground. He had no form, nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. That's this ministry. Amen. Nothing to desire here. Except Christ. And that's why if it is not Christ, you can never be here. Nichts, was man begehren könnte, nur wegen Christus. Donc il y a rien qui peut t'attirer ici, ni beauté, ni éclat, qui peut attirer les regards des gens. Mais c'est seulement Jésus-Christ que tu vas trouver ici. Praise the Lord. Verset 3 says he is despised and rejected of men, a man of sorrows. And acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Oh, praise the Lord! Hallelujah. Please read Isaiah 53 alone, or by yourself, or at home. Amen. Let it be your homework. Amen. Praise the Lord. It's talking about Jesus Christ. Amen. Amen. Lisez Esaïe 53, l'entretien à la maison. Amen. C'est un de vos devoirs aujourd'hui. The Bible said there was no beauty in him. Bible sagt, es gab keine Schönheit in ihm. La Bible Praise dit que the Lord. Tu n'étais pas beau à voir. And that's why for me to marry is not based on my beauty. Deswegen für mich zu heiraten basiert nicht auf meiner Schönheit. Et c'est la raison pour laquelle les mariages des enfants de Dieu ne basent pas sur l'apparence. I don't know if you are getting it. Amen. Amen. For me to You know, in the natural world, to marry is based on beauty, it's based on who you are, it's based on your fingernail, it's based on your look from your head to your toe. Amen. But in Christ's world, in der natürlichen Welt ist das Heiraten your beauty is useless. Von deinem Aussehen abhängig, aber in Christus ist deine Schönheit nutzlos. Amen. Dans le monde, trouver un partenaire, et il s'agit toujours de l'extérieur, donc de la beauté, de l'apparence, mais dans le monde de Jésus-Christ, il s'agit seulement de l'esprit. I will go to that of mates very soon. But before then, let me quickly go through this very little place. Then we go to that of mates. Before we can even go to the next message, the re-message. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. If your treasure is in heaven, your heart will be in heaven. That is what Jesus said. When dein Schatz im Himmel ist, wird auch dein Herz im Himmel sein. Amen. Si ton trésor et dans le royaume des cieux, ton cœur aussi va y être. Meaning, if your money is in heaven, your heart will be in heaven. Das heißt, wenn dein Geld im Himmel ist, dann wird auch dein Herz im Himmel sein. Donc si ton argent est dans le royaume des cieux, ton cœur va aussi être dans le royaume des cieux. It also means if your money is not in heaven, your heart will not be, will never be in heaven. Das heißt, wenn mein Geld nicht im Himmel ist, wird auch mein Herz niemals im Himmel sein können. Autrement dit, si ton cœur n'est pas dans le royaume des cieux, ton argent n'y sera pas non plus. We want our heart to be in heaven. Il veut, dass unser Herz im Himmel ist. Il veut que nos cœurs soient dans le royaume des cieux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. We just read verse 1 to 3 of Isaiah 53. Amen. Amen. On vient de lire verset 1 à 3 de Isaïe 53. That, you know, here is telling us that whatever is of Christ is not based on 5 senses. Isaiah, lesen wir das, was immer von Christus ist, nicht auf den 5 Sinnen basiert. Et ces 3 versets nous disent que tout ce qui vient de Jésus-Christ n'est jamais basé sur les 5 sens. Ouais. Amen. Mm-hmm. It is not based on what you see, your beauty. You see your beauty. Amen. It's not based on what you hear. Es basiert nicht auf dem, was five senses, what you feel. Was du siehst oder fühlst. Donc, ce n'est jamais basé sur les choses que tu vois, que tu sens, que tu touches ou quoi que ce soit. Praise the Lord. Alléluia. Your partner. It's not about the body. Und bei deinem Partner geht es nicht um das Äußere, nicht um den Körper. Donc avec ton quand il s'agit de trouver un partenaire, il s'agit pas de l'extérieur ou du corps. Please, you have to listen. Partner is not about the body. Bei deinem Partner geht es nicht um den Körper. Mais quand il s'agit de ton partenaire, il s'agit pas de l'extérieur du corps. Amen. Amen. We just read that in Christ, you know, if you see Jesus outside, there was no beauty in him. Nothing to admire. Wir haben gerade gesehen, dass bei Jesus gab es keine Pracht, nichts, was man was einem gefallen könnte äußerlich. On a vu que dans Isaïe 53 que quand on voyait Jésus-Christ, il y avait rien de beau à voir, il y avait rien qui pouvait attirer nos regards. Marriage is not about a person. I mean the body. In der Ehe geht es nicht um einen meinen menschlichen Körper. Donc dans les mariages, il s'agit pas d'un corps humain. It is about the inside of the person. Es geht um das Innere einer Person. Dans un mariage, il s'agit de l'intérieur d'une personne. Amen. Amen. You know, you only have just one husband. Du hast nur einen Ehemann. Or just one wife. Und eine Ehefrau, have for you. Die der Herr für dich hat. Tu as seulement un mari ou une femme que l'Éternel a choisi pour toi. And that husband is Christ Jesus himself. Und diese Person ist Christus Jesus selbst. Amen. Et cette personne est Jésus-Christ lui-même. Once he chose anybody for you, he put himself inside that person. Und wenn er jemanden für dich auswählt. And that's why it's not about, I don't know, sometimes I don't even know how to get, how to explain it. Praise the Lord. Alleluia. What he revealed to me. Amen. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ choisit une personne pour toi, il se place lui-même en cette personne. He only have one for you, just one person, one man, one woman for you. One, you know, that one person, that one woman, that one man is Christ Jesus. Amen. Er hat nur eine Person für dich, diese eine Frau und dieser eine Mann ist Jesus Christus. Donc il a encore fait seulement une personne pour toi et cette femme ou cet homme, c'est Jésus-Christ lui-même. And that's why if it is not working, that one man, it goes to another man. It's not working, one body, it goes to another body. I don't know if you get it. In dem einen Körper nicht funktioniert, geht in einen anderen Körper. Et c'est la raison pour laquelle, parce que quand ça marche pas avec cette personne, il va partir dans une autre personne. Et si ça marche pas avec cette femme, par exemple, il va partir dans une autre femme. So if you really understand the kingdom of heaven, if you really understand the kingdom of heaven, you know somebody that the Lord even revealed to you as your husband, if that person marries somebody else, you will not be worried. Mm. Because it's not the body, it's the inside. Amen. That Amen. Is your husband. Mm. And that inside, no one can take him. Amen. I don't know if you are getting it. Und wenn diese Person, die der Herr dir eigentlich offenbart hat, denn jemand anderes heiratet, wirst du keine Sorge haben, weil du keinen Verlust gemacht hast, weil dieser Jesus Christus, den du heiratest, das kann dir niemand wegnehmen, das kann dir niemand wegheiraten, beispielsweise. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas se soucier si, par exemple, que Dieu t'a déjà révélé la personne que tu vas marier et cette personne marie une autre personne. Comme il ne s'agit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et l'intérieur c'est Jésus Christ. Il n'y a personne qui peut te voler cette personne. Parce que comme on disait tout à l'heure, que si cette personne choisit une autre personne, le Christ dans cette personne va trouver un autre corps où il sera à l'intérieur pour toi. Donc il s'agit toujours de l'intérieur qui est Jésus-Christ lui-même et pas de l'extérieur. You know, Jesus Christ is one. It's not two. And that's the one husband, the one wife you have. Und das ist diese eine Frau und dieser eine Mann, den du hast. Amen. Donc Jésus-Christ est un. Et c'est cette personne-là, c'est ce fait qui te fait comprendre qu'il y a seulement une personne qui est là pour toi, qui a choisi pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Christ is not two, but one. Christus ist nicht zwei, sondern eins. Jésus-Christ n'est pas deux, mais un. Somebody getting it. Mm-hmm. All the time, I have preached that Christ only has one person for you as your husband or as your wife. And that person is Christ himself. Amen. Und ich habe oft darüber gepredigt, dass der Herr nur eine Person für dich hat. Aber diese eine Person, die der Herr für dich hat, ist Christus. Mm. J'ai souvent prêché que Jésus-Christ a seulement une personne pour toi, mais cette personne-là est Jésus-Christ lui-même. And that's why the body can go, but Christ remains. Amen. No one can take Christ away. And that's why you should not even be in stress. That no one should take my... what he has for me. What he has for you is himself, and no one can take it. Amen. Deswegen sollst du keine Sorgen machen, dass irgendjemand dir irgendwas wegnimmt, weil das, was er für dich hat, immer bleibt. Und das ist Jesus. Amen. Et c'est pour ça, t'as pas besoin de te soucier que personne va marier la personne que Jésus-Christ a choisi pour toi. Parce que la personne qu'il a choisi pour toi est Jésus-Christ lui-même. Donc peu importe ce que la personne fait que Jésus-Christ t'a révélé, peut-être. La personne que tu vas marier à la fin, c'est toujours Jésus-Christ. C'est une pitié que nous voyons toujours le corps. Et c'est chiant que nous voyons toujours le corps. Amen. Et c'est triste et c'est dommage qu'on voit toujours l'extérieur, qu'on voit toujours le corps, or qu'on doit voir Jésus-Christ. We see Peter and not Christ. We see Paul and not Christ. We see men. Man's name and not Jesus. Wir sehen, these are two people. Mm. Are you getting it? Mm. Wir sehen, I hope you are getting it. Mm. Praise the Lord. Menschen und Namen und Körper, wir sehen nicht Christus. Mm. On voit toujours les corps, l'extérieur d'une personne et les noms, mais on ne voit pas Jésus-Christ en la personne. It is not about the body of a man, but the inside. Es geht nicht um den Körper eines Menschen, sondern um das Innere. Non, il ne s'agit pas de l'extérieur d'une personne, mais de l'intérieur. In Genesis 1:26, God said, "Let us make man in our image, after our likeness." In 1. Mose 1:26 sagt Gott, dass sie wollen den Menschen erschaffen nach ihrem Ebenbild. Dans Genèse 1:26, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Amen. We go there. Amen. Amen. You say, you know, if you look at this time with Adam, everything was perfect with man. Man was having Christ's image alone. It was all about Christ. Damals bei Adam und Eva hatte der Mensch nur das Ebenbild von Jesus Christus, kein anderes Ebenbild. Et dans le temps d'Adam, l'homme, enfin Adam, avait seulement l'apparence de Jésus-Christ. Enfin, il était créé à l'image de Jésus-Christ seulement, et pas d'autre image. The word image means character. Donc l'homme avait les pensées de Jésus-Christ, il avait le caractère de Jésus-Christ. Tout ce qu'il avait était seulement de Jésus-Christ et de pas de quelqu'un d'autre. Ou de quoi que ce soit. Praise the Lord. Alléluia. And the word man in Genesis 1:26 is plural. Amen. It's plural, not singular. Und Mensch ist Mehrzahl und nicht Einzahl. Et dans Genèse, l'homme est au pluriel et pas au singulier. He is not talking about a person, but a whole group of people. Are you getting it? Er spricht nicht über eine Person, sondern eine ganze Gruppe von Menschen. It's called man. Amen. Amen. Et quand dans la Bible Dieu parle de l'homme, il parle pas seulement d'un homme, mais il parle de d'humanité, d'un groupe d'êtres humains. Genesis 1:26. Man wants to have the image and the character. Genèse 1:26. Amen. Please go there. Genesis 1:26. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over and over and over." Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay. Let us make man in our image, so that they have our character, they will have our inside. Is somebody getting it? Damit sie unsere Charakter haben, unser Inneres haben. It's not about the outside. It's not about the body. It's about the inside. Inside of a man. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il s'agissait de l'intérieur, donc de son caractère, de son attitude, de son comportement et tout, et pas de son extérieur. And that's why when Adam fell, what changes? It was not the body. The body was still there. I don't know if you get it. Yeah. The change was inside. Deswegen, I don't know if you get it. The character, the nature. Gestorben ist, war der Körper noch da, aber das Innere ist gestorben. Are you getting it, please? Gefallen. If you go to Genesis 5. Also ist gestorben. Genesis 5. Okay. Und, das Innere ist sozusagen gefallen, gestorben, aber nicht das Äußere, nicht der Körper. Deswegen hat er danach noch gelebt. Et c'est pour ça que quand après la chute de l'homme, le corps était toujours là, mais c'est son caractère, c'est la nature de l'homme qui a changé. I really thank the Lord for this message. Ich danke dem Herrn für diese Botschaft. It's really freedom. Sie ist wirklich Freiheit. Amen. Amen. Amen. It's really freedom. Diese Botschaft ist Freiheit. Et je remercie Dieu pour ce message, parce que ce message est vraiment la liberté, ça nous libère de la captivité de la chair. Von der Gefangenschaft des Fleisches. Amen. Amen. Amen. In Genesis 5. Dans Genèse 5. Verset 3. He said, and Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness after his image. The body still remained, but the image, there was a change of the image, the likeness. Mais, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc, l'homme a toujours, enfin, la nature de l'homme était plus la nature de Jésus-Christ. Donc, la nature de fils d'Adam était la nature de son père qui était plus Jésus-Christ. Praise the Lord. He said, Adam now begot a son in his own likeness, no longer the likeness of God, but now in another likeness. You know, it's like the body, you know, you remove, you know, when a body dies, you can put what is inside into another body. I don't know if you are getting it. And that's why if a husband die or a wife die, you are still married to Jesus. Because the who you are married to in the first place have never been that man. I don't know if you are. Und genauso wie wenn ein Ehemann oder eine Ehefrau verstirbt, ist nicht dein Ehepartner gestorben. Dein Ehepartner ist Jesus Christus und er stirbt niemals. Das Äußere ist dann halt weg, das Körperliche ist weg, aber das Innere ist immer noch da für dich. Jesus immer noch da. C'est la raison pour laquelle dans le royaume des cieux il n'y a pas de veuve, parce que avant de marier une personne en chair et en os, tu es d'abord marié à Jésus-Christ. Donc même si cette personne meurt, ton premier mariage est toujours valable. He said Adam begot a son in his own likeness after his image. He is not talking about the body. I hope you get it. It's not about the body. Adam a eu un fils à sa ressemblance, mais on parle pas de l'extérieur, on parle de la nature. Amen. Mm. And that's why when Adam fell, his body was still his body. But there was a change. He died. The Bible said he died. Mm. The character died. Everything in him died. Inside died. Amen. Are you getting it? Das Innere ist gestorben. C'est pour ça la Bible, c'est pour ça que il est écrit dans la Bible quand Adam, après la chute de l'homme, Adam est mort, mais son corps est encore en vie. Donc c'est l'intérieur, ceux qui ressemblaient à Jésus-Christ n'étaient plus en lui. Donc voilà. You know, even in awe, you can see that man is never married to a man. Man is either married to Christ or to Satan. In allem sehen wir, dass der Mensch niemals mit dem Menschen verheiratet ist, sondern entweder mit Christus oder mit dem Satan. Amen. Et à l'exemple d'Adam, on peut voir que l'homme n'est jamais marié à une autre personne. C'est soit tu es marié, tu appartiens à Jésus-Christ, ou alors tu es marié au diable. But the natural man only see the five senses, the body. Are you getting it? Mais une personne qui n'est pas dans l'esprit ne va jamais voir l'esprit, mais plutôt la chair. Donc, si tu es marié à une personne ou pas. The inside of a man is either Christ or Satan. Das Innere eines Menschen ist entweder Christus oder Satan. Mais l'intérieur d'un être humain est soit Jésus-Christ ou soit le diable. Again, Christ only has one person for you as your husband or as your wife. And that person is Christ Jesus. Das Christus ist nur eine Person für dich. And no one can take him Christus from you. Selbst. Und diese eine Person, Christus, kann dir niemand wegnehmen. Amen. Encore une fois, Jésus-Christ a prévu une personne pour toi. Et cette personne, Jésus-Christ lui-même. Et personne ne peut changer ce fait. Amen. And that's why somebody, you know, if he even reveals somebody to you to be, that is your husband, that person is no longer even desired, it's no longer there. You should not even bother you. But it's not, because it's not about the body, it's about the Christ. I don't know if you are getting it. Dieser Person, dass wenn diese Person, die der Herr dir offenbart hat, auf einmal nicht kooperiert, dann ist es okay, praise the Lord, weil Christus kooperiert immer, er ist immer da. Donc encore une fois, si la personne que Jésus-Christ a révélée n'est plus en relation avec Jésus-Christ, donc, et cette personne ne sera plus ton époux ou ta femme, ne te soucie pas, parce que la personne que Jésus-Christ a choisie pour toi en première place, c'est toujours lui-même, c'est toujours Jésus-Christ. Et personne ne peut changer ce fait. Amen. Amen. The Lord sees the inside. The hair just like Papa another. Said today. Amen. Amen. Jésus-Christ voit l'intérieur, voit l'esprit comme Papa nous l'a dit aujourd'hui. Mais l'homme voit l'homme. Man sees people. Der Mensch sieht das Äußere, er sieht Menschen. L'homme voit l'homme, voit les gens. They see two husbands, they see one husband. They see, you know, they see people. Because they see people as their husband, not Christ. If you see Christ as a husband, you know, that body, it is not your business. I don't know. Praise the Lord. Halleluja. Sie sehen Menschen als ihre Ehepartner, aber nicht Christus. L'être humain voit des êtres, enfin, l'homme comme son époux ou sa femme. Mais toi, tu dois voir Jésus-Christ. Amen. Amen. Man see one husband, two husband, three husband. People die, but Christ never die. Amen. Amen. Amen. Amen. And that's why if your husband die, you know, you still have a husband. If your wife die, you still have a wife. You know that the body, Jesus, you know, the body of Jesus, you can see that it was just a body. The real him was the inside. Amen. I don't know if you are getting it. So also, your husband, your wife is not the outside, the body, the man. And that's why if somebody is taking somebody away, you know, and saying, you just look at them and just smile. And give a beautiful smile. And just say, thank you, Jesus. I just thank the Lord that it's not about the body. Amen. It's Amen. About you. Amen. No one can take you. Amen. Amen. You remain my husband. Mm-hmm. And that body, he's the one to fix it. Mm-hmm. And that's why when somebody, if the Lord choose a body for you, if he choose a body, that and he has to put himself inside that body. Mm-hmm. And then if that body is not cooperating, leave that to inside another body. Mm-hmm. I don't know if you are getting it. Und deswegen, wir sehen es auch bei Jesus, dass sein Fleisch, ne, wurde getötet, wurde geschlagen, wurde gekreuzigt, aber sein Geist ist das, was ihn ausgemacht hat. Das ist halt, was ihn zu Gott gemacht hat und das war unantastbar. Und so genau sollten wir halt auch unseren Blick haben, dass der Körper vergänglich ist, aber dass das Innere, Christus, das ist das, was zählt. Und deswegen ist es auch Christus, den wir heiraten und nicht das Äußere. Und deswegen, wenn du halt siehst, dass die Person, die der Herr dir offenbart hat, dann mit jemand anderes wählt oder irgendwas anderes dann wählt, dann bist du dankbar, weil du weißt, dass Jesus Christus niemals jemand anderes wählen würde. Er hat mich ein für alle Mal gewählt und wird mich niemals ersetzen oder im Stich lassen. Und if the body, if that body is not cooperating. Und wenn dieser Körper nicht kooperiert von dieser Person. Live there and go to another. That is why you should not see body, see Christ. Geht Jesus von dieser Person zu einer anderen Person, die kooperiert. Deswegen, du hast nichts zu verlieren. Amen. Donc, encore une fois, si Jésus-Christ choisit une personne pour toi, il se place lui-même dans cette personne. Et donc, si cette personne ne coopère pas avec Jésus-Christ lui-même, il va sortir de cette personne, il va trouver une autre personne pour toi. Donc c'est pour ça, pour la raison pour laquelle il dit que on marie d'abord Jésus-Christ et Jésus-Christ ne changera jamais. Tout comme quand Jésus-Christ a été crucifié, c'est la chair qui a été crucifiée, mais ce qui a rendu Jésus-Christ Dieu, c'était l'Esprit. Et cet esprit est immortel, ne va jamais changer. Donc, c'est la raison pour laquelle on va toujours avoir un époux, on va toujours avoir une femme, parce que c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. And that's why your meditation should not be of a man. That body, that person should be Christ. The inside. Deswegen sollst du nicht. The outside will deceive you. outside will make you sad. The outside will have depression. And on the out, you know, if you keep on sinning, you better learn to see Christ. The Christ, that Christ is, you know, that Christ can live. He can live. If he is not cooperated, the Lord take him. That's why, you know, with the Holy Spirit be there for your children. You always say, praise the Lord. I hope you are getting it. Deswegen sollen wir auch nicht auf Menschen schauen, sonst werden wir wütend, traurig, depressiv und eifersüchtig sein, weil wir nicht Christus sehen, sondern Menschen sehen und nach Menschen trachten und nicht nach Christus. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit jamais voir l'extérieur, on ne doit jamais voir l'homme, mais on doit toujours voir Jésus-Christ en cette personne. Parce que sinon, la personne va nous décevoir, va nous attrister, ou on sera jaloux ou quoi que ce soit. Or que en Jésus-Christ on a déjà tout, donc c'est pour ça qu'on a toujours cherché à Jésus-Christ et pas l'homme. Praise the Lord. L'extérieur, pas la chair. Anytime God children married, well, you are not married to the body, but to the inside. Amen. It's Christ to Christ. Sie nicht den Körper, sondern Christus. Yeah. Es ist von Christus zu Christus. Mm. Donc à chaque fois que les enfants de Dieu se marient, c'est le Christ en ces personnes qui se marient. C'est pas les deux corps qui se marient, qui s'unissent, mais c'est les esprits qui s'unissent. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Again, we are always afraid that somebody else will marry who the Lord have for us. Because we are full of the flesh. Wir haben immer wieder Angst, dass jemand anderes die Person heiraten wird, die der Herr auf uns offenbart hat, und weil wir das Fleisch immer wieder sehen. On a souvent peur que la personne que Jésus-Christ nous a révélée marie une autre personne parce qu'on voit seulement la chair, on voit seulement l'extérieur. We see a person as our mate. Amen. The body is just a carton. Aber der Körper ist eigentlich nur ein Karton, ein Behälter. If the carton is kaputt, you put it in another carton. Wenn dieser Karton kaputt ist, tust du das, was wichtig ist, in einen anderen Karton. Donc le problème c'est qu'on voit toujours l'extérieur et on voit pas le Christ. Or que le Christ est capable de sortir d'une personne et rentrer dans une autre personne afin que ton mariage se manifeste, on peut dire. Mais on peut comparer ça avec une boîte ou un carton. Si tu as quelque chose de précieux dans un carton et le carton est abîmé, tu vas sortir cette chose et tu vas la placer dans un autre carton. Et c'est le même principe. A gift inside a carton. If the carton have problem, what do you do? You change the carton. Mm. The gift remain. Der Christ remain. Amen. Dieses Geschenk, dieser Schatz, wenn der Karton von diesem Schatz, von diesem Geschenk kaputt ist, dann tust du ihn in einen anderen Behälter. Mm. Dass der Schatz, das Geschenk bleibt. Amen. Si par exemple tu offres un cadeau à une personne, tu vas l'emballer. Mais si tu trouves pas, si l'emballage que tu as prévu n'est pas bon pour le cadeau comme tel, tu vas trouver un autre emballage. Donc c'est la même chose. Parce que le cadeau qu'on a, c'est Jésus-Christ. Et Amen. Jésus-Christ ne change jamais. Praise the Lord. Alléluia. And that's why we don't pursue people, we pursue Christ. Parce que cette place doit être réservée pour Jésus-Christ. The Lord will always find another carton. They have immer ein anderes Karton to be given to you or back Geschenk, to you. Was hier gegeben, zurückgegeben wird. Amen. Et c'est pour ça et Dieu va toujours trouver une autre boîte, un autre carton pour te remettre le cadeau qu'il a pour toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. No one can take Christ as your husband or wife away from you. Niemand kann dir Christus wegnehmen als deine Frau oder dein Ehemann. Personne ne peut te prendre Jésus-Christ comme ton homme ou ta femme. Il peut te voler Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Here we always find a body. Amen. Er wird immer einen Körper finden. Il va toujours trouver un corps. Amen. No, Jesus have to find a body to be here. Denn Jesus braucht auch einen Körper, um hier hinzukommen. Jésus-Christ, enfin, le Christ a dû trouver un corps afin d'être ici sur terre. Et ça, c'est donc, tu peux voir que c'est pas un problème pour Jésus-Christ. He said the Lord, you know, the eye of the Lord is looking to and fro to find a body. Amen. Amen. It's looking to and fro to find a body. Amen. Der Herr sucht nach einem Körper. Parce que Dieu est toujours à la recherche d'un corps à travers lequel il peut agir. He will always find another body that will cooperate with him. Und er wird einen anderen Körper finden, der mit ihm kooperiert. Et il va toujours trouver un corps qui va coopérer avec lui. Again, no one is married to a body. Denn niemand ist verheiratet mit einem Körper. Amen. Encore une fois, personne n'est marié avec un corps. You are either married to Christ or you are married to Satan. Du bist entweder verheiratet mit Christ oder mit dem Satan. Soit tu es marié avec Jésus-Christ ou tu es marié avec le diable. You are either married to Christ that is the same yesterday and today forever. Or you are married to Satan that is a chameleon. Entweder bist du verheiratet mit Christus, der gleiche gestern, heute und für immer ist, oder du bist verheiratet mit dem Satan, der ein Chamäleon ist, der sich anpassen kann, so wie es dir passt, um dich dann am Ende zu zerstören. Donc soit tu es marié avec Jésus-Christ qui ne changera jamais, qui a été le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ou alors tu es marié avec le diable qui est comparable à un caméléon qui va te donner ce que tu crois que tu as besoin. Or que tout ce qu'il te donne, il te le donne pour te détruire à la fin. And so the Lord only have one person for you. Deswegen hat der Herr nur eine Person für dich. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a seulement une personne pour toi. And you should believe that. Das sollen wir glauben. Et tu dois croire en ce fait. Und diese Person ist er selbst. Et cette personne, c'est lui-même. It's not about how many people. Geht nicht um wie viele Leute. Il s'agit pas de le nombre de personnes. Because we see people, religion today see people, and that's why they will know. They will even believe that the Lord have many people for you. Mm. This one is not working good. Yeah, this one. You can see, but there was one person he have for you, and that is himself alone. Amen. Und der Religion sagt, es gibt mehrere Leute, weil religiöse Menschen auch glauben, dass der Mensch den Menschen heiratet, aber in Christus gibt es nur diese eine Person ist Christus. Donc en Jésus-Christ, tu as seulement une personne, et cette personne c'est Jésus-Christ. Pour le monde, peut-être, ils vont seulement voir l'extérieur, ils vont voir les cœurs, donc les corps. Donc ils peuvent se dire que si ça n'a pas marché avec cette personne, tu vas trouver une autre personne, ainsi de suite. Alors que pour Jésus-Christ, il y a seulement un époux, un mariage pour nous, et ce mariage et avec lui-même. It's now we want to start the message. Amen. Jetzt geht es weiter mit der Botschaft, mit der neuen. Amen. Botschaft. Let's go to 2 Timothy 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. On commence avec notre message principal maintenant. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Praise the Lord. Alléluia. Please, if you have any question, you are free to ask. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne auch stellen am Ende. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les noter et les poser à la fin du culte. 2 Timothée 3. 2 Timotheus 3. Vers 16 und 17. 16 und 17. He said, all scripture is given by inspiration. 16 and 17. Amen. Are we there, please? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. It's no problem that it's supposed to correct us. by the scripture. Wir sollten eigentlich nicht aus Problemen lernen, sondern durch die Schrift. Hier steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Amen. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, on n'a pas... C'est l'écriture qui doit nous apprendre des choses et pas des problèmes. Amen. Amen. It says verse 17 that the man of God may be 17. Perfect, truly furnished unto all good works. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because of hardness of heart, problem always teach us. We fall into problem until we fall into problem, we never learn. Also, wenn Probleme fallen, lernen wir. Parce que nos cœurs sont endurcis, c'est seulement les problèmes qui nous enseignent. Parce que tant qu'il n'arrive pas de problème ou des situations difficiles dans nos vies, on a du mal à apprendre. Praise the Lord. Alléluia. The Bible is not a religious book. Die Bibel ist kein religiöses Buch. La Bible n'est pas un livre religieux. Because the Bible called himself a testament. Denn die Bibel nennt sich selbst ein Testament. Parce que la Bible est un testament. Amen. You know what the natural man called testament is what heaven also called testament. Was der natürliche Mensch testament, testament ist auch das was Gott Testament nennt. Donc ce que le monde appelle testament est aussi valable dans le royaume des cieux et l'inverse. Amen. Testament, you know, if you a testament is it has nothing to do with religion. Un testament hat nichts mit Religion zu tun. Un testament n'a rien à voir avec la religion. It is the will of a person. C'est la volonté d'une personne. I don't know if you are getting it. Mais c'est la volonté du peuple. Amen. Amen. The Bible is not a religious book because the Bible calls himself a testament, Old and New Testament. Und die Bibel ist kein religiöses Buch, deswegen ist es in Altes und Neues Testament aufgeteilt. Donc la Bible n'est pas un livre religion, c'est pour ça on a l'Ancien et le Nouveau Testament. It is not a religion or about any religion. Es geht nicht um irgendeine Religion. Il s'agit pas d'une religion. You know, when man died and leave his testament, that testament is not a religion. Wenn ein Mensch verstirbt und ein Testament hinterlässt, ist dieses Testament, was er hinterlässt, keine Religion. Et si un être humain meurt et cette personne laisse un testament, ce testament n'est pas une religion. Is somebody getting it? That testament is about the will of the dead man to his family. Yeah. Es geht um den Willen einer Person an seine Familie. Il s'agit de la volonté d'une personne pour sa famille. Nach seinem Tod. Après sa mort. Jesus left will for us. Und Jesus hat auch einen Willen für uns hinterlassen, das ist keine Religion. Amen. Et Jésus-Christ nous a laissé un testament qui est sa volonté pour nous et pas une religion. You know, once man dies, you know, especially in the Western world, they always leave testament for their loved ones. In the westlichen Welt, their children, their wife, brothers and sisters, even their dog. Dass Leute ein Testament hinterlassen für ihren Besitz. Okay. Für ihre Haustiere, für ihre Mitmenschen und Familie. Yeah. Donc, surtout ici en Europe, si une personne meurt, par exemple, elle va laisser son testament pour la famille, pour la femme, pour des amis, même des animaux, pour leur chien ou pour leur chat ou quoi que ce soit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It means testament is a family affair. Das heißt, Testament ist eine Familienangelegenheit. Donc ça veut dire que le testament est une affaire de famille, quelque chose de Can you see how religion turned Bible? A turn it will now become a religious book. Seht ihr, wie Religion dafür sorgt, dass die Bibel in ein religiöses Buch ist, statt eine Familiensache? Mm. Et vous pouvez voir comment le monde, comment la religion a changé le but du testament de Jésus-Christ. C'est devenu un livre de religion et plus un testament pour la famille de Jésus-Christ. Again, a testament, both old and new, has nothing to do with religion. Encore une fois, Ein Testament, altes und neues, hat nichts mit Religion zu tun. Encore une fois, l'Ancien et le Nouveau Testament n'ont rien à voir avec la religion. Just as to be a king has nothing to be with have nothing to do with religion. Genauso wie ein König zu sein, auch nichts mit Religion zu tun hat. Tout comme être un roi aussi n'a rien à voir avec la religion. Praise the Lord. Alléluia. Our testament is a spiritual word in the natural world. Unser Testament ist eine geistliche spiritual world. Eine geistliche Welt in the natural world. In der natürlichen Welt. Donc notre testament, enfin, la Bible est Amen. Geistliche Welt. Et un monde spirituel dans le monde physique, dans le monde naturel. Amen. Amen. And that's why man cannot understand the Old and the New Testament. Deswegen kann der Mensch das Alte und das Because Neue it's the spiritual verstehen. World in the natural world. Mm. The natural man cannot understand the things of the spirit. I hope you get it. Amen. Deswegen kann der Mensch es nicht verstehen, weil es eine geistliche Sache ist, die in einer physischen Welt existiert. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle que l'être humain ne peut pas comprendre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que c'est quelque chose de spirituel dans le monde naturel, dans le monde physique. Since the fall, man became natural. Seit dem Sündenfall ist der Mensch natürlich geworden. Mm. Depuis la chute de l'homme, l'homme est devenu naturel. Ouais. And no man can understand the Bible. Und kein Mensch kann die Bibel no verstehen. No man can understand God. Niemand kann Gott verstehen. No God, go to God. Because he is spirit. Et oder Gott kennen, weil er Geist ist. Et c'est aucun être humain peut connaître Jésus-Christ, aucun être humain peut connaître Dieu pour comprendre sa parole, parce que tout ça est esprit et nous et l'être humain est charnel. Amen. Amen. A natural man can have no connection with the spiritual world. Ein natürlicher Mensch kann keine Verbindung haben mit der geistlichen Welt. Un homme naturel ne peut pas avoir une connexion avec le monde spirituel. Since the fall. Seit dem Sündenfall. Depuis la chute de l'homme. Man can do nothing without the spiritual world. Aber der Mensch kann nichts tun. We need außer, the spiritual world. Nichts tun unabhängig von der geistlichen Welt. Wir brauchen die geistliche Welt. Mais l'être humain n'est pas capable de faire quoi que ce soit sans le monde spirituel. And that's why Jesus said, "Without me, you can do nothing." Deswegen, we need the spiritual world. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen die geistliche Welt. In John 15. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, sans nous, sans moi, vous pouvez rien faire. Vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. You know, except somebody is in between that can go to the spiritual world, then you are able to go to the spiritual world. Somebody has to be in between. That's why Moses was there, and that is why we have Christ today. Amen. Und jemand muss dazwischen stehen, muss eine Brücke bilden zwischen der geistlichen und der physischen Welt, damit wir halt verstehen können, hören können und kooperieren können. Aber da kann be both sides. Kann go to this side and come here again. And go there and come. Der aus der geistlichen Welt in die physische Welt bringt, um sie sozusagen zu übersetzen. Aber damals war es Mose, der das für die Kinder Israels gemacht hat, und heute ist Jesus Christus, der unser Mittler ist. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une personne qui peut créer un lien avec le monde spirituel. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël ont eu Moïse, et nous aujourd'hui on a Jésus Christ. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Amen. Amen. We cannot go to the spiritual world to do anything except by somebody that is being backed by the spiritual world. Wir können nicht in die geistliche Welt gehen, es sei denn nur durch die Hilfe von jemandem, der von der geistlichen Welt unterstützt wird. Encore une fois, on ne peut pas accéder au monde spirituel sans qu'il y ait quelqu'un qui peut créer un lien, qui peut créer un pont entre ce monde et le monde spirituel. Encore une fois, dans l'Ancien Testament, Moïse et aujourd'hui Jésus-Christ. Amen. Amen. In the kingdom of heaven is Christ. In Christianity is pastors. Es ist Christus. I don't know if you get it. Im Christentum sind Pastoren oder Propheten, die man sich sucht. Amen. Prophet. Amen. And they look for a prophet to go there and see what is there, to help them to bring out things from there. In a Muslim, the Muslim go to Afar. That is their witch doctor. The cleric. That they go there, they go to the spiritual world. They can be here and they can be there. But we have Christ. Les enfants de Dieu, ils ont Jésus-Christ. Mais les différentes religions, d'autres personnes qui créent un lien pour le membre de la Église. The pagans also have their witch doctors that they go through so that they can be there. Mm-hmm. Amen. To Satan. The witch doctor go to Satan. Amen. And because without Christ, whoever you are going to meet in the spiritual world is Satan. Und genauso wie religiöse Leute sich dann Propheten und Pastoren suchen, suchen sich dann halt ungläubige Leute, vielleicht Wahrsager oder Kartenleger oder irgendwelche anderen Leute, die sie halt nutzen als Medium für die geistliche Welt. Wir wissen alle, dass wenn es nicht Christus ist, wenn wir uns nicht geistlich in Christus befinden, befinden wir uns geistlich beim Satan. Oh. Egal wie du es nennst. Donc, nous on va... La personne qui crée un lien avec le monde spirituel, c'est Jésus-Christ. Pour les musulmans, par exemple, ils vont partir à travers leur imam ou quoi que ce soit. Les païens, je sais pas, ils vont trouver les gens qui peuvent, comment on dit, lire les cartes, tu vois, ou des trucs comme ça. Ou alors les gens qui glorifient le diable, ils vont partir vers leur marabout ou quoi que ce soit. Et lui va partir vers le diable. Mais on doit se rendre compte que si tu n'es pas en connexion avec Jésus-Christ, enfin, si ce n'est pas Jésus-Christ qui crée un lien avec le monde spirituel, toute personne qui va créer un lien pour toi vers le monde spirituel va créer un lien avec le diable. Praise the Lord. Alléluia. You know, Moses, the man Moses, he was in between. He was the only one that could go into the spiritual world for the people. Der Mensch, Mose, er war dieser Mittler für die Leute. Er war der Einzige, der in die geistliche Welt gehen konnte, um Dinge herzubringen, mitzubringen. Moïse, dans l'Ancien Testament, était la seule personne qui pouvait accéder au monde spirituel pour ramener des messages ou quoi que ce soit pour les enfants d'Israël. Another person was Abraham. During that of Sodom and Gomorrah. Are you getting it? Une autre personne était... Abraham, par exemple, pendant Sodome et Gomorre. Are you getting it? Praise the Lord. Alleluia. That of Lot. Amen. Mm. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. For Lot to be saved, amen, there was somebody have to be there for him. To be able to see the spiritual world, to negotiate. Ja, damit Lot damals herausgerettet wird aus seiner Stadt, die mit Scheitern verurteilt war, wegen der Sünde, die in ihr geherrscht hat, brauchte er auch jemanden, der sozusagen vermitteln kann zwischen der geistlichen Welt und der irdischen Welt, um ihn da rauszuholen. Und das war Abraham in diesem Fall. Abraham, par exemple, a été lien avec le monde spirituel parce que Lot, il avait besoin de quelqu'un qui peut le sauver. Et Abraham était cette personne-là qui avait un lien avec le monde spirituel afin de recevoir le message d'aller sauver l'autre et sa famille. And another person is Christ Jesus. This Christ Jesus is not just in between, he's God. Moses was in between. You know, what do you call him? Abraham was in between. Can you see him? Can you understand it? But the Christ Jesus himself is the God. Und the true God. And that's why it's no longer, there's nothing in between any longer. It's straight to Christ. Amen. Und im alten Bündnis waren es halt diese Menschen, die da als Mittler gedient haben. Menschen, ne, die auch voll von Fehlern waren, auch voll von Sünde waren. Und sie haben dafür gedient. Aber jetzt ist es Jesus Christus selbst, der Gott selbst ist, der heilig ist, der rein ist und der sogar dafür sorgt, dass diese Brücke sozusagen verschwindet und dass da gar kein Spalt mehr ist zwischen uns und Gott, weil er selbst Gott ist. Ja. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait toujours des gens, des prophètes qui étaient entre les deux mondes. Mais pour nous aujourd'hui, on a Jésus-Christ et Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. Donc cette connexion est directe. Donc il y a plus d'escale. Donc on a une connexion encore plus forte que les gens avaient dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça aussi que on est privilégié comparé aux gens de l'Ancien Testament. On peut même le dire. Praise the Lord. Amen. Amen. In the old, you know, they bring anima. So that, you know, you go to Jerusalem and take anima, give to the priest, the high priest. Mm-hmm. And the high priest will now take the anima to the temple. Mm-hmm. For you to have connection with the spirit, that is to be clean. Und im alten Bündnis for your sin to be forgiven. Musstest du ein Tier opfern, und dieses Tier musstest du dem Priester geben, damit er es begutachtet, ob es in Ordnung ist, wenn es gut war, wenn es rein war, wenn es ohne Fehler war. We go to Hebrew now to understand it better. Und hat es für Amen. Dich geschlachtet, damit deine Sünden sozusagen bereinigt werden. Mm-hmm. Donc dans l'Ancien Testament, par exemple, si tu voulais te faire pardonner, tu devais ramener un sacrifice, donc un agneau ou quoi que ce soit, à un grand prêtre qui, lui, allait ramener ça dans le temple afin de sacrifier, de faire ce sacrifice pour toi, à ta place. You know, Jesus is just everything for us. Jésus est alles für uns. Mais Jésus-Christ est tout pour nous aujourd'hui. He is the Lamb, he is the God. Er ist Gott. Er ist das Opferlamm, er ist alles. Mm. Parce qu'il est tout pour nous. Il est Dieu, mais en même temps aussi, il est l'agneau. From verse 11, let us quickly read. Amen. Hébreux 9, verset 11. He said, but Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, and made with hands, not made with hands, that is to say, not of this building. If you read, look at verse 7 of that same chapter. Verse 9. It talks about the high priest. Verse 7. Look at it. Verset 9, maintenant 7. He said, but... Non, pardon. Hébreux 9, maintenant verset 7, pardon. He said, but into the second, when the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself. You see it? Mm-hmm. Well, I want to draw your attention to is for himself. He für sich selbst. Dieser Hohepriester aus Fleisch und Blut, muss für seine eigene Reinigung ein Opfer bringen. And for the error of the people. Und der Leute but not Christ. Für das Volk, aber nicht so bei Jesus. Amen. Ouais. Et la différence, on peut voir aussi que le prêtre devait sacrifier quelque chose pour lui-même aussi. Pas seulement pour le peuple, pas seulement pour le peuple, mais pour lui-même. Parce que cette personne aussi était aussi impure. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit pour lui, parce que lui, il est juste, il est pur. Amen. Amen. No sin. Keine Sünde. Amen. Aucun péché. Pas de péché. Amen. Amen. Perfect tabernacle. Perfect body. Ein vollkommener Körper. Are you getting it? Mm. No sin. Mm. It's different. Verse 11. Yes, anders. Can you get it? Un corps parfait. Not made with hands. Mm. That is to verset say. Verset 11. Not of this beauty. Then verse 12. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us He enter once and not every year. Mm-hmm. Remember, that of the natural is every year. Erinnert euch, der fleischliche Priester muss jedes Jahr Opfer bringen, aber Jesus Christus ein für alle Mal hat er. And that's why once you are born again, you no longer bear false, forgive me my sin, forgive me my sin. It's now, thank you for forgiving me my sin. Genau, deswegen, wenn wir wiedergeboren sind, betteln wir den Herrn nicht immer wieder um Vergebung an, weil er wird nicht immer wieder für uns sterben, wenn wir sündigen, sondern er ist ein für alle Mal für alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden gestorben. Amen. Jésus-Christ a dû seulement se sacrifier une fois. Et comme il est éternel, c'est la raison pour laquelle tous nos péchés ont été pardonnés. C'est pour ça que quand on prie aujourd'hui, on remercie Dieu d'avoir, de nous avoir sauvés de nos péchés ou quoi que ce soit. Parce qu'il a payé le prix pour tous nos péchés qu'on a commis et qu'on va commettre. Mais dans l'Ancien Testament, le grand prêtre devait y aller une fois par an, pour toujours renouveler ce pardon. Voilà. Praise the Lord. Alléluia. Your past sin, your present sin, and your future sin have all been forgiven. Mm-hmm. Remember, he died even before you were born. He has forgiven you. Unsere Sünde wurde schon beglichen, bevor wir geboren worden sind. Das heißt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das kann nur sein Blut. Donc nos péchés nous ont déjà été pardonnés avant même notre naissance et ça c'est seulement le sang de Jésus-Christ qui est capable de le faire. I hope you understand that. But now that is what you do, these twins. What do you Isaac and Jacob. That's what it's all about. Mm-hmm. I don't know, sorry. Esau and Jacob, exactly. Esau and Jacob. He said, Jacob, I love. Even before he was born. Yeah. He loved you and he paid the price of your sin even before you were born. Mm-hmm. He said, Esau, I hate. Even before he was born. Before you were born, he hate you. Mm-hmm. But we thank the blood of Jesus that delivered you. Amen. Und genauso bei diesem Beispiel von Esau und Jakob, ne? Esau, der als sie schon im Mutterleib waren, hat Gott gesagt, Esau hasse ich und Jakob habe ich geliebt. Und dieser Hass, bevor man überhaupt existiert, oder diese Liebe, bevor man überhaupt existiert, zeigt sich auch in dem Opfer von Jesus Christus, was er für uns vollbracht hat, bevor wir überhaupt geboren worden sind. Aber auch in dem Sündenfall, in dem wir alle schuldig geworden sind, bevor wir überhaupt geboren worden sind. Amen. Und deswegen gehasst sind von Jesus, von Jesus gehasst. We were one, he hated us once. Er hat uns eins gehasst. He once hated us. Amen. Amen. But we turn the blood of Christ. That through the blood of Christ we have now. He now loved us even before we were born. Genau. Durch das Blut hat uns jetzt geliebt, bevor wir geboren worden sind. Amen. Amen. And if you see religion today, they don't see it that way. Amen. They say that it's God that pick and choose who to be saved. You know, because before Esau was born, he hated him. It means it's not. It's not about. Can you see? You know them. I don't even know how they can be. Anyway, if you are in the flesh, you can believe anything. Praise the Lord. Donc, so let me. Yeah, logic. Okay. Mm-hmm. Si on voit par exemple l'exemple de Jacob et Esaü. C'est quoi en français? Esaü. Esaü. Ok. Donc l'un a été aimé par l'Éternel avant sa naissance et l'autre a été détesté. Mais la seule différence était le sang de Jésus-Christ. Donc, on a été détesté une fois par Jésus-Christ après la chute de l'homme, mais après la mort de Jésus-Christ, après l'accomplissement de Jésus-Christ, il nous a aimé encore une fois. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, amen. Whoever comes to him, he will not ignore. Amen. Chaque personne qui vient vers Jésus-Christ ne va pas être ignorée. He is not the one that pick and choose who go to hell. Er sucht nicht aus, wer in die Hölle geht. Du entscheidest, in die Hölle zu gehen. C'est pas Jésus-Christ n'est pas la personne qui décide ou qui décide ou choisit qui va partir en enfer. C'est toi-même qui prend cette décision. You know, religion sees it that, you know, you see, he already hated. There's nothing they can do about it. Yes. You know, since before, there was a problem. There was war between God and man. But now, the war is over. It's not peace between God and man. Through Christ. Amen. Amen. Und die religiösen Menschen würden sagen, guck mal, genauso wie er Esau Feuer gehasst hat, hat er auch Menschen einfach so sozusagen für die Hölle verbannt. Aber das gleiche Blut, was in ihnen fließt, fließt auch in dir, wenn du Jesus nicht hast. Und deswegen ist es eine Lüge aus der tiefsten Hölle. Sondern durch Jesus Christus sind wir neu gemacht und sind dann, werden dann akzeptiert in seine heilige Familie. Und das passiert aus freiem Willen. La religion va toujours dire, tu vois, que vous pouvez voir que Esaü a été détesté avant même sa naissance, donc c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui choisit qui va partir en enfer ou qui va entrer dans le royaume des cieux. Or que la vérité est que si tu choisis Jésus-Christ, tu vas accepter le sang de Jésus-Christ, parce que sans Jésus-Christ, on a tous le même sang, on est tous des descendants d'Adam. Donc c'est vraiment, faut être vraiment conscient que ça, c'est vraiment un grand mensonge que le diable a placé dans ce monde, que c'est Jésus-Christ que tout est déjà déterminé, or que c'est nous-mêmes qui avons le choix à accéder au royaume des cieux ou pas. Praise the Lord. Verse 13. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctify to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, Amen. Who through the eternal Spirit offer himself without spot to God, without sin, Amen. Purge your conscience from dead works to serve the living God. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Verse 15. Verset 15. And for this cause, he is the mediator of the New Testament. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. It's about the animal. Amen. You know, the animal that, you know, once you come to the priest, then they don't see you. They don't see your sin. They don't see what you have done. They see the animal that you, the sacrifice. The sacrifice is big enough. Amen. They see the sacrifice. And the sacrifice of Christ is bigger than everything. Amen. Amen. Wenn du damals zum Priester gegangen bist, hat man nicht dich durchleuchtet und geguckt. Okay, I question you, which sin you know. The sacrifice. Sünde hast du begangen, ne? Sondern man hat auf das Tier geguckt, was du gebracht hast. Und wenn du, keine Ahnung, beispielsweise einen Elefanten mitgebracht hast, hat man verstanden, okay, anscheinend hast du viel gemacht. Und wir reden nicht drüber, ich habe es verstanden und das Tier wird dann geschlachtet um deinetwillen. Man schaut halt einfach nur auf das Tier, was du bringst und nicht auf dich. Und genauso schaut Gott auch auf Jesus Christus und nicht mehr auf uns. Amen. Ouais. Ici, il nous fait encore voir que... Enfin, il parle du sacrifice et ce que Dieu voit. Dans l'Ancien Testament, enfin, quand tu partais vers le... Quand tu ramenais ton sacrifice au grand prêtre, il ne te concentrait pas sur tes péchés, mais plutôt sur l'agneau que tu as ramené pour ton séjour, ton sacrifice. Tout comme Dieu aujourd'hui, il ne voit pas l'homme, il ne voit pas l'être humain, mais il voit seulement le sang de Jésus-Christ, le sang de son Fils, son propre sang. Et c'est pour ça que tu es justifié devant lui. Amen. You know, you don't even need to say, I have sinned, I've lied, I've stolen, I've done this. You know that you brought an animal is even a proof that you have a sin. Ja, dass du ein Tier mitgebracht hast, ist schon Beweis genug, dass du anscheinend gesündigt hast. Donc dans cette tu n'as même pas besoin de confesser ce que tes péchés, parce que le fait que tu viens avec un sacrifice ça montre que tu es un pécheur. Amen. He says, and for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Verse 16. It says, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. All the New Testament. And you can see it has nothing to do with religion. Wir sehen, es hat nichts mit Religion zu tun. Donc on peut voir vraiment que l'Ancien et le Nouveau Testament n'ont rien à voir avec la religion. Amen. Then animal blood. That the old was through animal's blood. The new is through Christ's blood. Und das Neue ist durch das Blut von Christus. L'Ancien Testament c'était à travers le sang de l'animal, mais le Nouveau Testament c'est à travers le sang de Jésus-Christ. Somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Alleluia. Verse 17. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all. Why the testator leave it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see that the New Testament is powerful. Wir sehen, so also is the Old Testament. Our inheritance. Das ist unser Erbe. Tu vois que le Nouveau Testament est vraiment puissant et aussi l'Ancien, ce sont nos héritages. They are both full of our inheritance. Sie sind beide voll von unserem Erbe. L'Ancien et le Nouveau, c'est vraiment plein de notre héritage. How the Lord loves us. So be the Lord's sleep. La manière à laquelle notre Père nous aime. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. If you want to know how he loves you, just go to him. Wenn wir wissen wollen, wie sehr uns liebt, gehen wir einfach zu ihm. Si seulement tu veux savoir combien il t'aime, va vers lui. Go to his testament. Geh zu seinem Zeugnis, Testament für dich. Va dans son testament pour toi. He said in verse 18, whereupon neither the first testament was dedicated without blood. For when Moses, let me not go there. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Testament is all about the personal will of the personal will of a man to his family. Testament bedeutet der persönliche Wille eines Menschen an seine Familie. Le testament, ça signifie la volonté personnelle d'un être humain pour sa famille. Amen. Amen. It can't be also for the kingdom. Amen. A king having a testament for the kingdom. Es kann auch für das Königreich sein, dass ein König einen Willen hat für sein Königreich. Ça peut aussi être pour un royaume, que le roi, le fait que le roi puisse avoir un vœu personnel pour son royaume. It contains the intent and a promises of a government to his people. Es beinhaltet die Versprechen und die Versprechen und Amen. Versprechen. It contains the intent and promises of a government to his people. Intention. Genau, die Intention und what die Versprechen, have? Die der König für seine Regierung hat. Ça contient le testament, en fait, ça contient la volonté et l'intention que le roi a pour son peuple. Mm-hmm. When you open the Bible, you are not opening a devotional book. Wenn wir die Bibel öffnen, öffnen wir kein Ratgeber. Donc quand on ouvre la Bible, on n'ouvre pas un livre avec des conseils. Avec des conseils. You are opening a legal document. Sondern ein, you know, a testament is a document. Ein it's document, a legal document. Ein legales document. Are you getting it? Mm-hmm. Mm-hmm. Donc tu n'ouvres pas un livre ordinaire, mais tu ouvres un document valide. The Bible is a document because the Bible calls himself a testament. A testament is a document. Un testament est un document. Un testament est un document. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. The reason it is also called a covenant. Deswegen ist auch ein Bündnis. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est covenant. On appelle le testament aussi une alliance. Ou plutôt la Bible, pardon. If you can really understand what a testament is, wenn du wirklich verstehen kannst, was ein Testament ist. Si tu peux vraiment comprendre ce qu'est un testament. You will understand what the Bible is all about. Wirst du verstehen, worum es in der Bibel geht. Tu vas aussi comprendre de quoi il s'agit dans la Bible. Also the word covenant. If you get what it is, you will praise the Lord. Amen. You will know a lot about the Bible. You will understand what the Bible is all was about. Bündnis ist, wirst du auch verstehen, worum es in der Bibel geht. Mm. Donc, et si tu comprends la signification du mot alliance en relation avec la Bible, tu vas aussi comprendre beaucoup de choses dans la Bible. Praise the Lord. Alléluia. The word covenant is a legal word. Das Wort Bündnis covenant. Ist ein legales Wort. Administrativ. It is also the word for contract. When you have contract, you know what is contract? Mm-hmm. Rechtlich. Rechtlich? Mm-hmm. Okay. Recht oder recht? Recht. Achso. Rechtlich. Donc le mot d'alliance est aussi un mot de ouais qui valide un contrat qui fait partie d'un contrat. You know, marriage is a covenant with Christ. Die Ehe ist ein Bündnis mit Christus. It's a contract. It's a covenant. Ist ein Vertrag mit Christus. Mm-hmm. Le mariage, par exemple, est un contrat, une alliance avec avec Jésus-Christ. And that is why it's only Christ you are to be married to. You have covenant with him alone. And not with man. Et c'est la raison pour laquelle on doit être seulement marié avec Jésus-Christ et pas avec l'être humain. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Know and understand the difference between old contract and the new contract. Erkenne den Unterschied zwischen dem alten Vertrag und dem neuen Vertrag. Donc on doit connaître la différence entre l'ancien contrat et le nouveau contrat, l'ancienne alliance et la nouvelle they alliance. They are not the same. We just read Hebrew 9. Wir haben gerade gesehen, dass es nicht das gleiche ist. Wir haben Hebräer 9 gelesen. On vient de lire Hébreux 9 où on a vu la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Amen. Animal's blood and Christ's blood are two different blood. Tierblut und are not the blood same blood. Gott ist nicht gleich. Mm. Donc le sang de Jésus-Christ et le sang des animaux ne sont pas comparables, sont pas le même sang. Amen. Amen. Animal blood will not do the work perfectly. Every year you have to be repeating it. But Christ's blood is once and forever. Bei Tierblut muss man das halt immer wiederholen, aber das Blut von Christus, da ist das ein für alle Mal getan. Mm. Donc le sang, avec le sang des animaux, il fallait renouveler ça annuellement. Ouais. Et le sang de Jésus-Christ est valable pour toujours. The first contract was through animal's blood. And that is why, you know, it could not do the job and it was cancelled. That's why the Lord cancelled it. Mm-hmm. Und weil dieser erste Vertrag mit Tierblut sozusagen besiegelt wurde, das aber nicht ewiglich gezählt hat, hat er diesen Vertrag sozusagen aufgelöst und dafür gesorgt, dass er jetzt selber sozusagen. Exactly. And he now said, I am here to save you. Ich bin jetzt hier, um euch zu ein für alle Mal zu retten. Amen. Mm. Enfin, l'ancienne alliance, l'ancien contrat où on sacrifiait les animaux avait un délai. Donc, et c'est pour ça que Jésus-Christ, enfin, Dieu lui-même a dit que je viens maintenant pour vous sauver une fois pour toutes. Amen. And he said, it is finished. The battle is over. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Dieser Krieg ist beendet. Et il a dit qu'il a tout accompli et que la guerre entre l'homme et Dieu est finie une fois pour toutes. Amen. The end of the conflict between the colony and the kingdom of heaven is over. It is finished. Das Ende von dem Konflikt zwischen der Kolonie des Himmels und dem Herrn ist beendet. Also, ja. Yeah. Donc, le conflit entre l'être humain et Dieu a été fini et tout a été accompli par Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The contract of the Bible is also called constitution. Und der Vertrag zwischen uns und Christus ist auch eine Constitution. Constitution. Donc et le contrat entre l'homme et Dieu est aussi une constitution. Constitution is a legal document. Law, you know, if you have law, and it is written in a book, it's a legal document. Eine Konstitution ist auch ein Rechtsdokument. Donc une constitution est aussi un contrat juridique. The Bible again called himself a testament. The question should be, what is a testament? Aber die Frage ist, was ist ein testament? Donc encore, qu'est-ce qu'est un testament encore? It also means, what is the Bible about? Worum geht's dans la Bible? Donc de cette question, autrement dit, cette question veut dire, il s'agit de quoi dans la Bible? It is about the testament of your king. Es geht das Testament deines Königs. Il s'agit du testament de ton roi. It means your king have inheritance for you. Dein König hat ein Erbe für dich. Ça veut dire que ton roi a un héritage pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. A testament in the natural world also means a testament in the supernatural world. Ein Testament in der natürlichen Welt bedeutet auch ein Testament in der übernatürlichen Welt. Donc un testament dans le monde naturel, dans le monde physique, veut dire aussi un testament dans le royaume des cieux. And that's why if you understand what testament and inheritance mean in the natural world, it will help you a lot. Wenn du verstehst, was testament understand that of the spiritual world bedeutet in der natürlichen Welt, dann wirst du es auch gut in der geistigen Welt verstehen. Donc si tu comprends la signification d'un testament dans le monde naturel, tu vas aussi ça va te faciliter de comprendre ce mot dans le royaume des cieux, dans le monde spirituel. What is the Bible about? Worum geht's in der Bibel? Et de quoi il s'agit dans la Bible? If the Bible belongs to you, it means your father have inheritance for you. Wenn die Bibel für dich ist, dann heißt es, dass oder an dich gerichtet ist, dann heißt es, dass dein Vater ein Testament hat für dich. Donc si la Bible s'adresse à toi, ça veut dire que ton père a un testament pour toi, un héritage pour toi. Amen. Amen. It means heaven have inheritance for you. Der Himmel hat ein Erbe für dich. Ça veut dire que le ciel a un héritage pour toi. Amen. Amen. It means your father has a will for you. Das heißt, dein Vater hat einen Willen für dich. Ça veut dire que ton père a une volonté pour toi. Whatever he will for you belongs to you. Was immer er dir vermacht hat, gehört zu dir. Donc tout ce qui t'a hérité t'appartient aussi. It has nothing to do with religion. Es hat nichts mit Religion zu tun. Ça a rien à voir avec la religion. It is about his properties for you. Es geht deinen Besitz für dich. Il s'agit de les propriétés qu'il a pour toi. What he left behind, what now belongs to you. Was zurückgelassen hat und was zu dir gehört. Ce qu'il a laissé pour toi qui t'appartient maintenant. Amen. Amen. Your joy, your peace, everything they are there. Frieden, alles ist da. How to rest, they are all there. Your inheritance. Unser Erbe. Amen. Donc ta paix, ta joie, ta liberté, tout ça est tu le trouves là-dedans. Tout ça est là pour toi. Tout ça est ton héritage. Praise the Lord. Alléluia. You know, Hebrew 9 again. If we go there. No, from verse 6, it says, here we help us to know how great. Hebrew 9, 6. Praise the Lord. Alleluia. You know, it will help us to know how great what we have today is. How great it is compared to what they have. That's Hebrew 9. We have read it. Amen. Hilft uns zu erkennen, wie the old and the new. Wie groß das ist, was wir heute haben. Wie viel größer es ist, als das, was sie damals hatten. Donc, Hebrew 9, en totalité, nous aide à comprendre quelle chance on a, quelle privilège on a. Parce que si on compare la nouvelle alliance à l'ancienne, on peut voir qu'on est vraiment privilégié. En verset 7 of that chapter, Hebrew 9, he said, their high priest was a sinner, but ours was not a sinner. Our high priest is not a sinner, Amen. But theirs was a sinner. Dass deren Hohepriester ein Sünder war, aber unser Hohepriester ist keine. Er ist heil, er ist sogar die Heiligkeit. Amen. Amen, amen. Donc on peut voir que le grand prêtre dans l'Ancien Testament était un pécheur lui-même, mais notre grand prêtre qui est Jésus, grand prêtre qui est Jésus-Christ, il est saint. Il a la sainteté lui-même. He have to offer sacrifice for himself also. Der sündige Hohepriester musste auch Opfer für sich selbst geben. Le grand prêtre dans l'Ancien Testament, vous devez d'abord sacrifier un agneau pour lui-même avant de sacrifier des animaux pour le peuple. Praise the Lord. Alléluia. You know, just like our king. So wie unser König. And our God. Unser Gott. He is our king and he is our God. Er ist unser König und unser Gott. Comme Jésus-Christ est notre roi et notre Dieu en même temps. There is no natural king that is a God. Es gibt keinen natürlichen König, der unser Gott ist. Mais il n'y a aucun roi naturel qui est aussi notre Dieu en même temps. Except our king. Amen. Außer unser König. À part notre roi. No natural king is God. Kein natürlicher König ist Gott. They have to seek somebody to go to God for them. Sie brauchen jemanden, der ihnen hilft, zu Gott zu kommen. Aucun roi naturel est un dieu. Ces personnes-là ont aussi besoin d'un médiateur, donc une personne qui peuvent les lier au monde spirituel, à Dieu. Remember 1 Samuel 8, when they desire to have a king. Amen. 1 Samuel 8, they desire to have a king, a natural king. Dans 1 Samuel 8, on peut voir que le peuple désirait un roi naturel. Il voulait avoir un roi. They desire to be like others. If somebody gets it. Amen. Il voulait être. Be careful of what you desire. Il voulait être comme les autres royaumes. Et on doit vraiment faire attention à nos voeux. Amen. They desire to have, to be like others that have fake king. Sie wollten die andere sein, die einen. The nature of king is a fake king. Ein verfälschten König. The original is Christ alone. Amen. Die natürlichen Könige sind alle verfälschte Könige, aber der wahrhaftige König ist Jesus Christus, der originale König. Donc il voulait aussi avoir un roi comme les autres royaumes, un faux roi, parce que le seul vrai roi, l'original, c'est Jésus Christ, c'est Dieu. Amen. Amen. Amen. You know, he said, you know, God was sad. He said, they reject me, they refuse to allow me to reign over them. Amen. It's not about you, Samuel. It's about me. They reject me and they refuse to allow me to reign over them as king. Amen. I should be their king, but they desire the flesh. I'm not getting it. Samuel hat gesagt, sie haben mich verweigert. Wollen, dass ich nicht ihr König bin. Sie wollen lieber einen irdischen König. Sie haben nicht dich verweigert als ihren Mittler, der zwischen dir und mir, ihnen und mir steht, sondern sie haben mich verweigert, weil sie mich nicht mehr als ihren König haben wollen, sondern einen Menschen. Et Dieu a dit à Samuel, c'est pas Samuel qu'ils ont rejeté, mais c'est Dieu lui-même, parce qu'ils voulaient plus avoir Dieu comme leur roi, mais plutôt un Dieu charnel. Amen. Amen. Just like you and me today. Genauso wie du und ich. You know, people desire to be like others. Because things are working for them. Begehren, das Leben see what is working for your five senses. Will still kill and destroy you. Aber you better allow it to be of the spirit. Deine fünf Sinne werden dadurch, du wirst dich sozusagen zerstören. Und du musst zulassen, dass dein Fokus nur auf Christus liegt. Tout comme toi et moi aujourd'hui, on envie des gens parce qu'ils ont des choses charnelles qui fonctionnent pour eux, or que on se rend pas compte qu'on a déjà tout en Jésus-Christ. Amen. Amen. The only true king is Christ Jesus. Amen. The only true God. Der einzig wahre König, der einzig wahre Gott ist Jesus. Le seul vrai roi, c'est Jésus-Christ. Just like the original high priest is Christ Jesus. And the faith, you know the faith. You have to even offer sacrifice for his own sin. Denn der falsche Hochpriester, ist sündhaft und muss Amen. Selbst Opfer bringen für seine eigenen Sünden, für seine eigenen Fehler. Tout comme le seul vrai grand prêtre est Jésus-Christ lui-même, parce que tous les autres grands prêtres doivent d'abord être pardonnés. Ils sont tous des pécheurs. They prefer this flesh to the spirit. Sie wollen lieber das Fleisch statt dem Geist. Mais l'homme préfère la chair à l'esprit. Beware of what you desire. Donc fais attention à tes vœux, à tes désirs. Again, God always warns us against. Before things come to us, he warns us and warns us and warns us. God through dreams, through his word, durch sein Wort, durch Träume, through one another. He's warning us. If you see those that are falling here, you know, warning upon warning, through dreams, even they will dream it by themselves. The Lord revealing it to them by themselves so that they can see it and be careful. Der Herr offenbart es ihnen sogar selbst durch Träume, dass sie fallen werden. Und dennoch tun sie nicht Buße und kehren um. Jésus-Christ nous prévient à chaque fois, nous avertit toujours à travers des rêves, à travers nos frères et sœurs en Jésus-Christ, à travers sa parole. Mais on n'est souvent pas attentif à sa parole, à ses avertissements et tout ça pour nous détruire. Amen. 1 Samuel. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Okay, let's go there. First Samuel. Amen. Yes, Samuel. You know they were warned. The Lord warned them. He told Samuel, warned them of what they are desiring. Sie wurden gewarnt vor ihren Wünschen. Jésus-Christ a dit à Samuel de les prévenir que leurs vœux sont mauvais. Just like the message here is a warning always to you. Genau wie die Botschaft hier auch eine Warnung ist. It's always a warning. Ist immer wieder eine Warnung. Tout comme ce message est toujours un avertissement. Amen. Amen. We just, you know, today we study a lot. You know that the body should not be what you pursue but Christ. Can you see? It's a warning. Wir halt den Körper nicht suchen sollen, sondern Jesus Christus alleine. Amen. Tout comme par exemple, tout à l'heure, on a dit qu'on ne doit pas poursuivre le corps, mais on doit poursuivre l'esprit, on doit poursuivre Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas seulement un message, mais c'est aussi un avertissement. Praise the Lord. Alléluia. If you go to 1 Samuel 8, from verse 9, because of time. 1 Samuel 8, verset 9. 9, from 9. It said, now therefore, hearken unto their voice. Howbeit yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that they shall reign over them. Warn them against what you know what they are desiring. Warne sie vor ihren Wünschen. Amen. Amen. And Samuel told all the words of the Lord unto the people, and asked of him a king. Verse 11. And he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself. Praise the Lord. Hallelujah. You know, upon the warning, if you don't read it and continue to read it, amen, because of time, let us leave there. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So also, he still warns us today. So warnt uns auch heute noch. Aujourd'hui aussi, il nous avertit de la même manière. We will never, you know, for us to listen, it's a big problem. Aber es fällt uns schwer zuzuhören. Mais on a toujours difficile à entendre sa voix. Amen. À écouter ce qu'il nous dit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. The Bible is about a king. Most of you were born in a democracy. In democracies, there is no king. Die Bibel erzählt über einen König, sie ist über einen König, aber die meisten von uns, wir sind in einer Demokratie aufgewachsen. In einer Demokratie gibt es keinen König. Dans la Bible, il s'agit d'un roi. Mais la plupart d'entre nous, enfin, nous tous, on a été nés dans un système de démocratie. Et dans la démocratie, il n'y a pas de roi. A king is not a president or a prime minister. Amen. Ein König ist kein Präsident oder Premierminister. Un roi n'est pas un président ou un premier ministre. The Bible is all about a king. Die Bibel geht um einen König. Mais dans la Bible, il s'agit d'un roi. King is completely opposite to a president. Ein König ist komplett anders als ein Präsident. Er ist das Gegenteil von einem Präsident. Un roi est le contraire d'un président. Amen. That's a place where we go to. But before then, the Bible is also about a royal family. Die Bibel ist auch über eine königliche Familie. Dans la Bible, il s'agit aussi d'une famille royale. We are also called ambassador. Wir werden auch Botschafter genannt. Et on est aussi appelé des ambassadeurs. A king that has children are called a royal family. Ein König, der Familie hat, der Kinder hat, diese Familie wird königliche Familie genannt. Donc un roi qui a des enfants, qui a une famille, cette famille est appelée la famille royale. The Bible is not about a subject worshiping a king. Über irgendwelche Untertanen, die einen König dienen. Donc dans la Bible, il ne s'agit pas d'un peuple qui glorifie seulement le roi. You are children of a king. Wir sind Kinder eines Königs. Mais vous êtes plutôt des enfants d'un roi. The same blood that run through the king's vein, run through your vein. Das gleiche Blut, was durch den König fließt, fließt auch durch uns. Donc le même sang qui coule dans tes veines, c'est le sang qui coule dans les veines du roi coule aussi dans tes veines. You are not a stranger to the king. Wir sind keine Fremden für den König. Tu n'es pas un étranger pour le roi, il te connaît. And there is power in our blood. Es gibt Kraft in unserem Blut. Et il y a une puissance, une force dans notre sang. Praise the Lord. Alléluia. The king's blood, there is power in the king's blood. Es gibt Kraft im Blut des Königs. Il y a de la puissance dans le sang du roi. The blood of our king. Das Blut von unserem König. Le sang de notre roi. Once you come to him, it changes everything, including your blood. Wenn er zu uns kommt, verändert er alles. Er reinigt alles. Er reinigt selbst unser Blut. Quand on vient vers notre roi, vers notre Dieu, il change tout dans notre vie, même notre sang. Joël 3. Amen. Joël 3. Praise the Lord. Amen. Amen. Joël. 3:21. Amen. Amen. It's like, I will clean their blood, said the Lord. Amen. Amen. I will clean their blood. Once you come to him, you never have the old blood. No longer have the old blood. 3:21. Letzte. Amen. Amen. Es gibt kein 21. Bei uns, der Schlafvers ist Joel 4, Vers 21. Und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte, und der Herr wird wohnen bleiben in Zion. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Amen. 4:21. Vielleicht beim Montag, wenn das nicht 3 ist. 1. Petrus 1. 1 Pierre 1. Vers 18 und 19. Verset 18 et 19. Vers 18 und 19. Amen. It says, for as much as you know that you will not redeem with corruptible things. Amen. You will not bought with corruptible things. Are you getting it? Amen. As silver and as gold. Everything you have, you are not bought. You don't have them incorruptible. Amen. Amen. Wir wurden nicht vergänglich abgekauft. Donc tous, sachant que Ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or que vous avez été racheté. Amen. It's from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. His blood is precious. Sein Blut ist kostbar. Donc son sang est précieux. Amen. Amen. As of a lamb without blemish and without spot. Unbefleckt. Amen. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. A perfect lamb. Ein vollkommenes Lamm. Ein vollkommenes Opfer. That's why you don't need any other sacrifice. Burning of candles or whatever. Mm. Or using of incense or using of oil. Mm. Amen. Amen. Just his name is enough. Sein Name reicht. Lord. Mm. Amen. Son sang et son nom sont suffit totalement. Sont suffisants. Parce que c'est lui l'agneau parfait. L'agneau Amen. Complet. Amen. In Romans 8 said we are adopted. In Römer 8 steht, dass wir adoptiert worden sind. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Alleluia. Dans Römer 8, il est écrit qu'on a été adopté. We know what adoption is in the natural world. Wir wissen, was Adoption bedeutet in der natürlichen It has nothing to do with the blood. Hat nichts mit Blut zu tun. Are you getting it? We don't have the blood of the family. Du hast nicht das Blut der Familie. The adoption of Christ. Aber nicht die Adoption von Christus. Are you getting something here? Amen. Donc on sait ce que l'adoption veut dire dans le monde naturel. Tu fais peut-être partie de la famille, mais tu n'as pas le sang de cette famille. Mais dans Jésus-Christ, ce n'est pas le cas. Quand il t'adopte, il te donne aussi son sang. For Christ to adopt you, his blood must, it must take his blood for him to adopt you. In the natural way, it doesn't take any blood. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You can see adoption is based on, it's not blood related. Mm-hmm. But then in Christ's word, if you go to Romans 8. Romans 8. Romans 8 is there. Amen. Concerning adoption that we adopted. Romans 8. Amen. He said the spirit of the Lord in us cry. And you know, he's saying that he is our father. That's, Romans 8. Geist von Christus in uns sagt uns das bezeugt uns, dass der Herr unser Vater ist. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ nous confirme que Dieu est notre Père, que Jésus-Christ est notre Père. Verset 15, Romains 8, verset 15. Romains 8, 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption. The spirit, it takes the blood of Christ to have the spirit of adoption. Amen. Whereby we cry, Abba, Father. That spirit is saying that Christ is your father. Dieser Geist sagt, dass Christus unser Vater ist. Cet esprit dit que Dieu, que Jésus-Christ est notre Père. Amen. Amen. That we are adopted does not mean we don't have his blood. Dass wir adoptiert sind, heißt nicht, dass wir nicht sein Blut haben. Le fait qu'on est adopté ne veut pas dire qu'on n'a pas son sang. Without his blood, we cannot be his sons. Ohne sein Blut können wir nicht seine Söhne sein. Parce que sans le sang de Jésus-Christ, on ne peut pas être son. We cannot be saved. On ne peut pas être ses fils. On ne peut pas être sauvé. Acts 20, verse 28. Actes des apôtres 20, verset 28. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Acte 20, 28. Praise the Lord. Amen. Amen. Take heed, therefore, unto yourself and to all the flock, over the which the Holy Ghost had made you overseer. Can you see? He said, it is the Holy Ghost that made me overseer. Amen. That I'm here is through the power of the Holy Ghost. Dass ich hier bin, ist nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Are you getting it? Que je suis ici, c'est seulement à travers la force du Saint-Esprit. Amen. Amen. Overseer of this ministry. Amen. Mm-hmm. To feed the church of God, which he had purchased with his own blood. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He bought us with his blood. Donc il nous a racheté avec son sang. Just like that of the natural parents. Wie das der natürlichen Eltern. Comme le comme avec les parents naturels à travers le sang. Amen. You know, you cannot compare the natural blood to Christ's blood. That's Hebrew 12. Hébreu 12. Et Hébreux 12 nous dit qu'on ne peut pas comparer le sang naturel avec le sang de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Hebrews 12. Verset 24. He said, to Jesus, the mediator of the New Testament, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. Amen. Amen. The blood of Abel. Abel's blood is a natural blood. Das Blut von Abel ist ein natürliches Blut. Le sang d'Abel est le sang naturel. Is somebody getting it? Mm-hmm. The natural parent's blood is a natural blood. The Christ's blood, he said, Christ's blood is greater than the natural blood. Das Blut unserer Eltern ist natürliches Blut, das Blut von Christus ist übernatürlich. Le sang de tes parents donc est un sang naturel, mais le sang de Jésus-Christ est surnaturel. You are not a stranger. The King is your father. Amen. Wir sind keine Fremden. Der König ist unser Vater. Amen. Tu n'es pas un étranger. Le roi est ton père. He gave birth to you. Er hat uns das Leben geschenkt. Amen. Il t'a donné naissance. You il t'a are donné from la vie. He. Wir sind aus ihm. Tu viens de lui. He is not your master, but your father. Er ist nicht unser Meister, sondern unser Vater. Il n'est pas ton maître, mais il est ton père. Amen. Alléluia. We were in Genesis 1:26. Amen. Mm. Yes, and let us make man. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, and not God the angel. Amen. Not the angel, not God the angel. He said, God the Father, let us make man. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, and not God the angel. Wo ganz klar gesagt hat, dass lasst uns den Menschen machen nach unserem Ebenbild. Und mit diesem uns meinte er Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist und nicht Gott und die Engel. Et quand Dieu le Père a dit créons l'homme à notre image, quand il dit notre image, il parlait de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et pas de praise the Lord. Dieu les anges. Not the angel there. Not an angel. Amen. Aucun moment on a parlé des anges là. Again, God said, let us make man. It means we are from him. Let us make man. Let us. It's like a husband and wife say, let us have children. So wie Ehemann, Ehefrau, somebody sagen, lass uns Kinder haben. Please let it sink in. Amen. That's why the Lord have to be repeating it and repeating it and so that you can you want it to be rooted in yours. Our identity. Amen. Il veut vraiment qu'on connaisse notre identité, que ce fait soit enraciné en nous. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle ça à plusieurs reprises. Amen. Amen. The God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, it's your parents. Amen. Let us have them. Let us make them. Just like a man and a woman will say, let us have children. They are married. Amen. Amen. Let us have children. The children are coming from inside them. So also you came from your King. Genauso sind wir aus unserem König gekommen. Amen. Genauso sind wir aus Gott geboren. Amen. Tout comme le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont nos parents. Donc c'est pour ça qu'il a dit créons l'homme à notre image. C'est comme une homme et une femme qui sont un homme et une femme qui sont mariés vont dire faisons des enfants. Amen. This aspect is very important because of the contemporary trend today, because of the life we are living, this internet life, this life where it is now accepted that human being and plants, human being and cat, human being and dog, human being and animal, that God created us, we are the same thing, we have soul too, we are equal, we are not. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That's where we are even going to now. Amen. Genau, von da kommt auch dieser Glaube der Menschen, dass wir halt genauso viel wert sind wie Tiere oder wie Pflanzen, dass wir genauso nur Geschöpfe sind, die heute da sind, morgen weg. Aber das ist nicht von Christus, diese Lehre, die ist von der Welt, die ist menschlich. Et c'est aussi de là vient la... Enfin, que les gens aujourd'hui veulent marier leurs animaux, leurs chats, leurs tortues, alors qu'ils veulent marier leur maison ou leur plante ou quoi que ce soit, parce qu'ils disent que on sommes tous des créations et donc on sait qu'on est égaux, or que c'est pas le cas. L'homme a un autre standing, donc une autre position que les autres créations sur cette terre. Praise the Lord. Mama, he said, these same people are the same people that are now saying today, artificial intelligence is very, it's a big problem to the spiritual, you know, they are challenging. They are saying artificial intelligence, that is, robot and so on, is more intelligent than the human being. That is what they are creating today. And it is evil. It's satanic. Praise the Lord. Robota cannot create itself. How can you be greater than your own creator? Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Uh-huh. So are we to continue? Please continue. Okay. That's what is very powerful today. Yeah, yeah, it's true. C'est la même chose avec... Willst du übersetzen? Das sind dieselben Leute, die sagen, Antichrist. Die sagen, dass Roboter schlauer und intelligenter sind als der Mensch. Et c'est aussi les mêmes gens qui veulent créer l'intelligence artificielle et qui disent que les robots sont plus humains, sont plus intelligents que l'être humain lui-même. Aber das stimmt nicht, weil ein Roboter kann sich nicht selbst erschaffen. C'est pas vrai, mais parce que tu peux pas être, la création peut pas être plus grande que les créateurs. Donc et le un robot peut pas se reproduire. Praise the Lord. Hallelujah. He said, "Let us make man in our image." He did not say, "Let us make animal in our image." Man are not animal. Gott sagt, lasst uns den Menschen nach unserem Ebenbild machen. In our image. Und nicht Tiere oder Pflanzen nach unserem Ebenbild erschaffen. So we can never be equal with them. Deshalb können wir nie gleichgestellt sein mit Tieren oder Pflanzen. On peut pas être égaux aux animaux ou aux plantes, parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et pas les ours ou les lions. Amen. Amen. In our image, again, the word image means character. You know, let us make man so that they have the same character with us. The same nature. You know, animal does not have the same character with Christ. Are you getting it? Mit dem Ebenbild ist das Charakter gemeint. Der Mensch hat das Charakter Gottes. Der Mensch hat das Charakter Gottes, hat den Charakter Gottes geerbt. Tiere können das nicht erben. Et quand on parle de ressemblance, on parle de la nature, du caractère, et aucun animal a le caractère de Jésus-Christ. The word nature also means glory. It means glory. Der Begriff Natur bedeutet auch Herrlichkeit. Et quand on parle de nature, ce mot veut dire aussi aussi un synonyme pour la gloire. Amen. Amen. Please listen. You are the only creature that God created that has His glory. Amen. Not any animal. Amen. Not any tree. Amen. Amen. Amen. You are the only creature that He created that has His glory. Du bist das einzige Geschöpf, das die Herrlichkeit Gottes hat. Donc on doit être conscient qu'on est la seule créature de Dieu qui a la gloire de Dieu en lui. Amen. Amen. And we also know that Satan came to change it with his own glory. what man kam, and religion call glory today. Um diese Herrlichkeit zu ersetzen. Et le diable est venu pour changer la gloire de Dieu en nous avec sa propre gloire. Amen. What they call their glory today. Was ihre Herrlichkeit in 1. Petrus 1:24. 1 Pierre 1:24. It says, for all flesh is as grass, and all the glory of man is the flower, as the flower of grass. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The glory of man. Die Herrlichkeit Amen. We have the glory of Christ. The glory of God. On a la gloire de Jésus-Christ, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Jesus came to give us back our glory. Jesus kam uns seine Herrlichkeit zurückzugeben. Jésus-Christ est venu pour nous rendre notre gloire, enfin qui est sa gloire. Amen. We are the only creature that God created to have His own glory. Wir sind die einzige Kreatur, die Gott geschaffen hat, um seine Herrlichkeit zu haben und nicht irgendwelche Tiere. On est la seule création de Dieu qui a reçu la gloire, sa gloire. Not even the angels have His glory. Nicht mal die Engel haben seine Herrlichkeit. Même pas les anges. Les anges non plus n'ont pas sa gloire. Amen. Amen. Not even His angels have His glory. The angels does not have His glory. There is no angel in the Bible made of God image. Auch die Engel haben nicht seine Herrlichkeit. Are you getting it? Kein Engel, der das Ebenbild Gottes hat. Il y a aucun ange qui a reçu la gloire de Jésus, de Dieu lui-même. Tu peux voir tu vas pas trouver une place dans la Bible où il est écrit que un ange à la gloire de Dieu. You are the only creature that has God's image, the character, the nature, the glory of God. Wir sind die einzige Schöpfung, die das Ebenbild von Christus haben, von Gott haben. Nous sommes la seule création qui a été créée à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Et de Dieu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God hasn't given it to somebody else. Gott hat sie nicht irgendjemand anderem gegeben. Dieu ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre, à qui que ce soit. That is why he hates that you bow down to anything outside him. Deswegen hasst er es, wenn wir irgendetwas anderes anbeten außer ihn. Et c'est la raison pour laquelle il n'aime pas le fait ou il déteste le fait qu'on glorifie ou qu'on se soumet à d'autres choses que lui-même. Isaïe 42. Et aussi, c'est la raison pour laquelle il déteste qu'on glorifie d'autres personnes ou d'autres, des anges ou des animaux, quoi que ce soit. Isaïe 42. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Isaiah 42, verse 8. It said, I am the Lord. 42:8. That is my name. Isaiah 42:8. Praise the Lord. Alléluia. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No one will share my glory with me. Niemand wird seine Herrlichkeit mit mir teilen. Amen. Amen. Personne va partager ma gloire avec lui. Amen. Avec moi. Praise the Lord. It means man carrying God's glory and serving trees, animals. You know, serving man, serving their dead parents. Amen. Man serving their dead parents. Amen. Menschen haben ja grandparents that are dead. Menschen haben die Herrlichkeit Gottes und sie the spiritual world of Satan. Dienen aber der geistlichen Welt des Satans, indem sie Tiere dienen oder verstorbene Menschen Vorfahren anbeten. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom et je donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui croient ou glorifient à leurs ancêtres, à leurs parents qui sont morts, ou alors à la nature, à des animaux, or que Again, c'est à... Amen. On doit seulement glorifier Dieu. Point. Praise the Lord. Amen. Again, man carrying God's glory and serving animals, trees, serving what does not have glory. The serve what does not have glory. Die dienen Dingen, die keine Herrlichkeit haben. Mm. Donc, et l'être humain sert à des choses qui n'ont pas de gloire. Mm. Amen. Mm. Your body makes you very powerful here on earth. Dein Körper macht dich sehr kraftvoll hier auf Erden. Mm. Ton corps te rend puissant sur, dans ce monde. It means the power of will. Das heißt, the power to choose. Your Kraft. Your body gives you power to choose. Mm. Unser Körper gibt uns After death, Kraft. There is no more choice. No more choice. You can choose nothing. Ja, ohne den Tod, nach dem Tod, dann kann man nicht mehr entscheiden. Mm. Donc ton corps te donne la possibilité de choisir, parce qu'après la mort, tu seras plus capable de choisir. Mm. Amen. Amen. Your body gives you power to take decision. Dein to Körper decide. Gibt dir diese Fähigkeit, diese Kraft zu entscheiden. Amen. Ton corps te donne la possibilité de choisir cette puissance. Ouais. Mankind is the only creature who has the power to determine and design the change he desires. Der Mensch kann entscheiden, ob er Bring, will oder nicht. Praise the Lord. Donc l'homme est l'être humain la seule création qui peut choisir. Your body gives you power to choose Christ or Satan. Dein Körper gibt dir die Kraft zu wählen zwischen Christus und dem Satan. Donc ton corps te donne la possibilité de choisir entre Jésus-Christ et le diable. Once your body is dead, it is over. Wenn dein Körper tot ist, ist vorbei. Quand ton corps est mort. Là, tu n'as plus la possibilité de choisir. Praise the Lord. Alleluia. We are from Him. It means the Bible is about colonization. We start from here on Wednesday. Wir sind von ihm. Das heißt, Amen. Ist über die Kolonisation. Praise the Lord. Alleluia. On vient de Jésus-Christ. Donc, quand la Bible parle aussi de la colonisation de ce monde. We are from Him. Amen. Amen. He just sent us here. We are from heaven. On vient de lui, donc on vient du royaume des cieux. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. He does not want us to be confused about Him. He wants us to understand Him. Mm. Mm-hmm. Il veut. Mm. Dieu veut jamais nous confondre. Au contraire, il veut qu'on le comprend, qu'on comprend son royaume, qu'on comprend son système. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. So please, if you have